couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 15. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à le faire sur notre adresse email dempart@setemplar.com. Je répète, dempart@setemplar.com. Nous étudions l'alternative avant le 26 mai, donc c'est probablement la dernière fois qu'on vous appelle à nous envoyer des emails sur cette adresse. On aura une adresse email alternative très prochainement. Restez branchés, hein, on vous en informera. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour tout le monde en fait. Hein, dès qu'il y a ce genre de problème, on est tous plus ou moins concernés. Bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent encore ProtonMail malgré les problèmes que on a soulevés à propos de ProtonMail la semaine dernière. Mais c'est comme ça. On y reviendra. Le forum Europe Écologie des Brins, si vous souhaitez y participer. Participe aux échanges hein, avec toutes les rubriques qui existent, révisionnisme, crypto-monnaie, informatique, la section crypto est bien alimentée d'ailleurs, je salue les membres de la section crypto, si vous voulez comprendre davantage les cryptos, à la fois dans leur fonctionnement ou le marché des cryptos, allez-y, il y a des gens qui sont très très très bien informés de l'espace crypto. Et si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas, franchement, je pense que vous aurez des bons conseils. Bien sûr, toute une série d'autres rubriques, blabla général, etc. etc. Allez-y, inscrivez-vous, participez. Je vais procéder à la présentation des membres de la semaine. Je vais commencer avec, avec Pierrot, hein, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut Pierrot, j'espère que tu vas bien, Pierrot. Bonjour Gandalf. Ouais. Bonjour à tous, bah, ça va très bien, écoute, il fait beau, la vie est belle, ça va, ça va. Tu veux parler du film donc de Benigni, hein, c'est ça c'est... Ah ouais, oh là là, quel film de merde, avec une femme bien sûr qui va absolument pas se marier avec un beau gosse italien alpha pour aller se réfugier avec un vieux juif puant sans le sou parce que juste il a une belle âme, ouais, donc hyper crédible. Tu tends la perche, donc je réponds. Est aussi avec nous cette semaine Hydromel, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Gandalf, et bonjour à tous, et bonjour à tous les artisans de la sauvegarde des peuples et des races. Ah oui, tout à fait. Et enfin, cette semaine aussi est avec nous, alors il y a peut-être d'autres personnes qui vont nous rejoindre en cours d'émission, Vincent participe régulièrement à l'émission, ce dont je me félicite et je l'en remercie, parce qu'il accorde du temps... à l'équipe et surtout aux auditeurs et je suis toujours très content de l'avoir avec nous. Il apporte un éclairage très certain et ta participation bien sûr est appréciée. Je reçois beaucoup de commentaires et de courriels en ce sens. Les gens sont contents de t'avoir dans l'émission. Eh bien, bonjour Gandalf, merci de m'avoir invité. Bonjour aux participants. Bonjour aux auditeurs. Merci, j'en suis très très honoré, très heureux et j'espère que grâce à Démocratie Participative, eh bien, notre pensée, même si elle est différente selon les gens, va continuer à s'exprimer et à progresser. Donc, bonne émission, je l'espère. Alors quand même, par souci de clarté, quand les gens veulent te soutenir, accéder à ton contenu, ils doivent se reporter vers ton site. Est-ce que tu peux redire l'adresse de ton site pour ceux qui ne la connaîtraient pas peut-être ? Ah oui, avec plaisir. Donc j'ai un blog, donc c'est blogsc.com, mais c'est blog blogue et tiré sc.com. Alors il est bloqué en France, hein, donc il est nécessaire d'avoir un VPN, mais je suppose que parmi le public, tout le monde a un VPN. C'est là que sont postés, enfin c'est là qu'on me retrouve, et qu'on retrouve au fur et à mesure tout ce que je poste sur le net. Et naturellement, il y a aussi une rubrique nous aider. Qui utilise surtout les crypto-monnaies, et je remercie tous celles et tous ceux qui nous font des dons aussi minimes soient-ils, hein, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et voilà comment ça se passe. Voilà pour ceux qui veulent me joindre et qui veulent me suivre. Merci aussi. Il y a le site showarnaque.org également. Oui, que l'équipe de démocratie participative relaye, merci beaucoup. Voilà, c'est, alors lui aussi, il est bloqué hein, par décision de justice en France, pour un VPN. Il va s'étoffer d'ailleurs petit à petit, maintenant que la situation est un peu s'est stabilisée pour toute mon équipe, puisque bon, nous sommes plusieurs quand même. Et il y a eu, bon, suite à ce qui s'est passé en octobre dernier, on a perdu beaucoup, hein. On a perdu beaucoup parce qu'il a fallu réorganiser, déménager, faire plein de choses, hein. Et grâce aux aides, justement, nous avons pu surmonter cette épreuve. Voilà. Et là, nous apprêtons à plus ou moins à repartir maintenant. Mais voilà. Oui, en effet, Chouarnac, et merci de le relayer. Merci à DP, c'est vraiment très très bien. Ah non, c'est nous qui te remercions pour le travail que tu fais. Chouarnac, je trouve qu'il est très bien réalisé, ce site, très didactique, qui explique en fait par un jeu de questions-réponses, sourcé bien évidemment, l'imposture exterminationniste qui sert d'histoire officielle dans le monde occidental. Et il est tellement bien fait que moi je me suis dit que c'était la meilleure façon d'aborder le problème en fait pour des gens qui se posent des questions, voilà, et donc je les renvoie volontiers. Donc l'initiative était excellente parce que sur ton blog, qui est tout aussi excellent, le fonctionnement est un peu différent parce que les vidéos s'enchaînent. Ça, il y a des vidéos extraordinaires d'ailleurs que tu as faites, hein, au fil des années, elles sont archivées. Mais disons que quand on est vraiment quelqu'un qui ne connaît rien si ce n'est la vulgate sur le sujet, je trouve que Chouarnac permet vraiment, grâce à son jeu de questions-réponses, de faire un petit peu le tour de la question. En tout cas, bon, les grandes lignes de la thèse révisionniste. En fait. Donc, moi, je trouvais que c'était quand même très pertinent de l'avoir. Donc, du coup, de le mettre en avant, c'est un excellent outil. J'en profite pour rebondir. Et en plus, dans l'émission, normalement, si on a assez de temps, on en parlera aussi. Tu disais, oui, les deux sites sont censurés en France. Donc, showarnaque.org. Et blog-sc.com sont censurés par le gouvernement français à la demande des organisations juives en France. Et ça me permet de rebondir là-dessus parce que tu disais, oui, je pense que parmi vos auditeurs ou lecteurs, la plupart ou tous ont un VPN. Alors en fait, d'après nos estimations, c'est environ les deux tiers des auditeurs et des lecteurs de démocratie participative qui sont munis d'un VPN. Et un tiers de nos auditeurs, de nos lecteurs, pour des raisons diverses, généralement, c'est parce qu'ils disent « moi, j'y comprends rien », en gros. Alors, c'est simple à maîtriser un VPN. Mais bon, il y a des gens, ils sont vraiment fâchés avec ce genre de choses. Et voilà, donc ils sont piégés, malheureusement. Alors, j'ai peut-être pour eux un conseil qui résout une partie du problème. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'aller acheter un VPN, enfin, vous ne l'achetez pas, hein, vous souscrivez un abonnement, mais vous n'avez pas envie de souscrire un abonnement pour un VPN, parce que ça vous paraît compliqué, vous ne comprenez pas, à la place, ce que vous pouvez faire, vous téléchargez le navigateur Brave, donc en bon français, Brave, comme un brave, ou comme une personne brave, et vous le téléchargez, c'est gratuit, ça coûte rien. Et dans les options, en fait, donc c'est en un clic, hein, vous pouvez ouvrir une fenêtre de navigation sous Tor. Tor qui, de facto, fait office de VPN, si vous voulez. Donc vous pouvez surfer anonymement et contourner la censure en passant par le VPN intégré dans le navigateur Brave. Et vous n'avez rien à faire, en fait. Vous avez juste, c'est comme... le navigateur fonctionne comme Chrome, comme Edge de Microsoft ou comme Firefox. C'est vraiment un navigateur identique, similaire. Hein. Ça se maîtrise de la même façon. Sauf que vous avez juste qu'à ouvrir une fenêtre spécifique. Et vous faites un clic à droite. Session, je ne sais plus comment c'est appelé, quoi, fenêtre Tor ou naviguer sur Tor, je ne sais plus comment c'est expliqué. Bon. Cliquez là-dessus, hop, ça ouvre votre fenêtre, vous êtes sous Tor. Et vous avez juste qu'à rentrer le nom de domaine du site que vous voulez visiter. Et du coup, ça, vous pouvez complètement contourner la censure qui prévaut en France. D'accord ? Donc si vous ne maîtrisez pas du tout les histoires de VPN ou quoi, eh ben, vous pouvez vous retourner vers ça. Voilà. Donc téléchargez le navigateur Brave. Ouvrez une fenêtre Tor, et voilà, tout est accessible. Et même démocratie participative, par voie de conséquence. Hein. Vous pouvez accéder aussi de démocratie participative, même quand il est bloqué. Nous, on est bloqué, ça change, parce que là, en ce moment, ils censurent tous les 2-3 semaines, parfois c'est tous les mois, bon, ça varie un peu, mais la censure, elle est constante, en fait. Donc, plus on progresse dans le temps, et plus le filtrage de l'Internet s'accentue. On a parlé de... Enfin, il y a la législation européenne qui est en train d'évoluer. Donc, alors, navigateur Brave, il fonctionne pour accéder à des sites qui sont censurés. Hein. La censure sur les plateformes type Facebook, Twitter, c'est complètement différent. Ça, c'est une censure interne à la plateforme. On ne peut pas la contourner avec un VPN, ni même avec Tor. Hein. Je veux dire, ça, c'est la modération du système interne qui décide de ce que vous pouvez poster. Mais si vous voulez accéder à un site qui est interdit en France... Le navigateur Brave est vraiment une alternative gratuite qui me semble de bonne qualité. Voilà. Donc, chers auditeurs, réfléchissez-y. Si vous n'êtes pas versé en technologie, c'est un conseil que je vous fais. Me permets juste d'intervenir, c'est que sur le blog, nous, on a consacré un article spécial. Là, j'ai mis le lien là dans la discussion sur justement comment se prémunir contre la censure sur Internet. Et on explique tout sur les VPN. Alors, Brave, c'est très bien. Hein. C'est excellent même, mais pour ceux qui pourraient avoir un VPN très très sécurisé, justement, on avait fait un article, il date, je crois, de février 2022, justement, où tout est expliqué par quelqu'un qui est spécialiste sur les VPN, et c'est très simple, hein. C'est expliqué très très simplement. D'accord. C'est aussi intéressant pour pouvoir accéder à du contenu qui est bloqué dans un certain pays. Par exemple, vous êtes à l'étranger et vous voulez accéder à je sais pas, TF1 ou France 2, vous savez, sur Internet, normalement, le contenu va vous être bloqué parce que vous devez être résident français ou inversement. Vous voulez accéder à du contenu qui est uniquement réservé aux résidents des États-Unis. Hop, vous utilisez le VPN et vous pouvez simuler comme si vous étiez aux États-Unis. Comme ça, vous avez accès au contenu. Perso, moi, quand je vais regarder des fois les petites rediffs très, très courtes de football, de championnat européen, je vois, ah, tiens, ce truc est bloqué parce que je dois être dans tel pays par rapport à telle chaîne. Je mets le VPN, c'est du pays en question, et puis c'est réglé, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est quand on a le VPN. Hein. Ce que j'ai avec Brave, c'est quand les gens ils sont un peu effrayés par l'histoire des VPN, alors que c'est facile d'accès, hein, comme disait Vincent. Eux, ils ont fait une synthèse sur son site. Enfin, pour ceux qui sont vraiment fâchés avec ça, téléchargez Brave. Au moins, vous n'avez pas de questions à vous poser, tout est intégré, c'est deux clics, et vous n'avez rien à faire. Donc, au moins, c'est simple. Voilà, et c'est toujours bien d'insister, d'appeler le public à changer ses comportements sur ce type de questions, puisque par ailleurs, les autorités évoluent aussi considérablement. Donc c'est toujours bien de se protéger. Voilà, alors après ces précisions qui ont été faites, je tiens à remercier tous nos donateurs. Alors, on n'a pas de courrier de donateurs spécifique cette semaine, on n'en a pas reçu en tout cas, sauf si je ne m'abuse, ou alors ils sont passés en spam et je ne les ai pas vus passer. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Si vous nous avez envoyé un message pour nous dire que vous avez fait un don, que vous souhaitez avoir une confirmation et que vous n'avez pas eu de retour, s'il vous plaît, écrivez-nous. C'est possiblement passé en spam, comme je le disais, et c'est indépendant de notre volonté. Donc voilà. Alors, les dons, bon, bah, vous connaissez la formule, en tout cas pour la plupart de nos auditeurs, en crypto-monnaie, plus spécifiquement Monero, qui garantit l'anonymat des transactions. donc qui protège l'identité, enfin qui assure l'anonymat de l'identité de celui qui envoie le montant, de celui qui le reçoit, ainsi que du montant du don en lui-même. C'est très utile en ces temps de surveillance et de répression accrue. Et c'est une technologie à maîtriser, je crois, pour les années futures. Et d'une manière générale, les cryptos, c'est un véritable avantage de pouvoir maîtriser cet outil qui permet, pour démocratie participative notamment, mais c'est vrai aussi... en tout cas en partie, hein, pour Vincent Renoir, de pouvoir recevoir le soutien qu'il mérite sans pouvoir être stoppé, hein, contrairement à malheureusement d'autres sources plus conventionnelles qui sont malheureusement contrôlées politiquement par nos ennemis. Alors, une fois que j'ai procédé à tous ces rappels, alors oui, je voulais dire aussi donc, les dons, si jamais vous connaissez des gens qui voudraient soutenir des initiatives comme Démocratie Participative ou le travail de Vincent Renoir, mais qui ne sont pas versés dans les cryptos, vous pouvez éventuellement les accompagner. Donc des gens qui sont aisés, hein, financièrement, qui n'ont vraiment pas du tout de problème à ce niveau-là, et qui voudraient devenir des mécènes, en fait, n'hésitez pas à les guider vers nous, vers Démocratie Participative, ou vers Vincent, mais de toute façon, il y a une proximité, donc si jamais vous voulez aider Vincent, vous pouvez aussi nous le faire savoir. Et voilà, le message est lancé. C'est toujours bien d'avoir des mécènes avec de véritables moyens financiers, quoi, bien sûr. Même si, et c'est certain, les dons des. Enfin, tous les dons sont les bienvenus, bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on peut faire fonctionner ce que l'on fait. Et éventuellement, c'est mon souhait, développer de nouvelles initiatives, mais qui sont tributaires de nos moyens matériels. Alors, messieurs, lançons l'émission pour m'en parler. Pas mal de courriers des lecteurs cette semaine, première rubrique, donc courriers des lecteurs, et qui était une réponse en fait à ce qui a été discuté précédemment, vous savez, sur le grand remplacement. Donc je vous lis tout simplement l'article en question. Donc c'est signé par Yann. Cher Gandalf et chers amis de DP. Je voulais apporter mon témoignage suite à la remarque d'un de vos nouveaux participants qui est Hydromel. Donc Hydromel est avec nous aujourd'hui. Donc je suis originaire de Nevers, ville dans la Nièvre, et travaille sur Paris depuis de nombreuses années. Alors je crois qu'il s'adresse à Hydromel, mais je pense qu'en réalité c'était à Doom qu'il voulait parler. Pas sûr, parce que de mémoire, ouais. Si je me souviens bien, j'avais un peu dit comme hypothèse que dans le sud c'était un stade plus avancé des grands remplacements, et comme lui il vient d'une ville du nord, je crois qu'il est pas trop d'accord avec moi, parce que Nevers est également grand remplacé, si j'ai bien compris. Oui, enfin, c'est ça, je crois que c'était c'était pas Doom, alors c'était peut-être Sobieski qui connaissait un peu davantage la région en question, enfin la Nièvre, mais enfin bon, c'est moi qui spécule. Alors je reviens vers son courrier. Donc je suis originaire de Nevers, ville dans la Nièvre, et travaille sur Paris depuis de nombreuses années. Je reviens souvent dans ma ville d'origine, Paris étant devenu irrespirable à temps complet, et aussi car une partie de ma famille y réside. Quel constat ! Contrairement à ce que dit Hydromel, la ville est entièrement négrifiée et bougnoulisée. Les quartiers du centre-ville regorgent de négresses à boubou, de commerces maghrébins et autres joyeusetés de ce genre. Quant aux quatre cités en périphérie, je vous laisse deviner. 40 ans de gestion calamiteuse socialo-communiste et maintenant macroniste. Ah oui, d'accord, donc Nevers, c'était sous la botte socialo-communiste et maintenant c'est macroniste, vous voyez, comme quoi. Ont totalement ruiné l'économie locale. Les usines ont fermé progressivement, les commerces se sont raréfiés et le « social » entre guillemets y règne en maître. La paupérisation y est très accentuée, l'ambiance est devenue plus que glauque. Des partenariats de longue date avec des mairies du Val-de-Marne pour mettre les familles d'Afrique au vert existent depuis de nombreuses années. Oui, c'est connu ça comme mécanisme. Beaucoup de manouches dans le secteur. En outre, pour parfaire cette belle qualité de vie, cambriolage et dégradation en masse, souvent ignorés par la presse marxiste locale. Quant aux blancs restants, essentiellement des white trash, ayant un QI faible, proche des halogènes et aussi, en plus de ces gens-là, des retraités. J'ai connu enfant une ville prospère, donc Nevers, hein, très agréable et commerçante. Je constate avec tristesse et colère cette mise à mort définitive et voulue des territoires. Courage et force à vous. Et c'est signé effectivement Yann. Merci à Yann pour sa réaction, pour en fait faire réponse à ce qui avait été dit dans, à ce qui avait été dit dans l'émission précédente. Alors moi aussi j'étais, je savais que dans la région de la Nièvre, des villes de cette taille étaient sinistrées. Alors je ne parle pas des villages, je parle des villes de cette taille-là. De toute façon, ce qui est dit ici dans la réponse est évident. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus vraiment, régionaliser la question. C'est-à-dire que dans les années 80-90, on pouvait dire, quand on parlait d'immigration, oui, Marseille, oui, Paris. Et là, aujourd'hui, 30 ans plus tard, très clairement, le remplacement, enfin d'abord l'immigration de masse, qui confine maintenant au remplacement pur et simple, touche d'abord tout le territoire, l'ensemble du territoire, et des communes de toute taille. Donc non seulement les grandes villes, mais les villes moyennes et même les petits villages. On le voit à la faveur de faits divers. Donc on ne peut plus vraiment circonscrire le processus du grand remplacement simplement en grandes villes. Alors oui, les grandes villes, c'est manifeste, c'est flagrant, c'est spectaculaire. Mais même dans des villes d'une taille plus modeste, on y assiste aussi. Donc c'est ce qu'on avait expliqué, et donc là on est dans la phase, terminale du grand remplacement. Donc moi j'ai des amis aux États-Unis par exemple, et ils m'ont expliqué comment ça s'était passé chez eux aux États-Unis. Et ça a été un processus long, parce que tout ce qu'ils font en France en fait ça vient des États-Unis. Enfin, il faut pas se mentir, ça a d'abord été pensé et mis en pratique aux États-Unis, et ça inspire des idéologues de la technocratie française qui décident d'appliquer ça, bon an, mal an. Alors, c'est pas une copie exacte, mais les principes généraux sont ceux-là, d'appliquer ça au territoire français. Alors, aux États-Unis, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit non, mais. Donc, c'est marrant parce qu'on décrit les États-Unis comme une espèce de pays capitaliste, à la limite libertarien, où les gens sont très libres de faire beaucoup de choses. Sachez que l'État fédéral, donc en fait, pour comparer avec la France, l'État central, ou l'État de cour, parce qu'il n'y a pas cette opposition entre des États régionaux comme sont les États américains et Washington, c'est-à-dire le pouvoir central, parce que la France est un pays unitaire. Mais l'État central aux États-Unis depuis Roosevelt, considérablement accru ses prérogatives. Donc à coup de loi, etc. Et à partir du tournant des années 50-60, quand a émergé la question de ce qu'ils ont appelé les droits civiques, bon, en réalité, la guerre politique faite aux populations blanches, en fait. En gros, c'est ça. Donc quand on a commencé à dire que en fait les blancs ils étaient illégitimes par principe, que le système était raciste, que il fallait du coup corriger les erreurs fondamentales du système politique américain issu de la ségrégation, et donc il fallait apporter donc des correctifs, toute une série de correctifs dans l'éducation, dans le logement, etc., etc. Et du coup, ce qu'ils ont fait, tout simplement, c'est qu'ils ont importé des populations de couleur d'abord dans les villes blanches et ensuite dans les quartiers blancs. Et ils ont fait ce qu'on a appelé du housing. Et le housing, c'est simplement du logement, hein, en anglais, hein, c'est du logement. Donc on a arbitrairement modifié la composition raciale des villes américaines ou des quartiers américains pour s'assurer que tout le monde bénéficie de la formidable richesse de la diversité raciale. Alors, bon, évidemment, le postulat de départ étant que ça allait résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire qu'on allait casser les ghettos, c'est ce qu'ils disaient aux États-Unis. Hein. On va en terminer avec les ghettos noirs. Vous savez, les ghettos noirs. Les ghettos noirs, en fait, c'est simplement des zones en fait, où les noirs vivaient entre eux. Et il fallait les démanteler pour créer ce qu'avait expliqué Martin Luther King dans son discours. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait une société multiraciale vraiment intégrale, où il n'y ait plus de groupes raciaux définis. Et alors, ils l'ont fait par la coercition, par les subventions, etc. Et ça a été un échec terrible, parce qu'ils ont détruit toutes les villes prospères, calmes, sûres des États-Unis ont été complètement ravagés par la criminalité noire, essentiellement américaine. Ensuite est venue là-dessus la criminalité hispanique, mais c'est venu bien après. Et le problème, c'est qu'on ne peut rien y faire. Donc en fait, aux États-Unis, ce qui se passe typiquement, c'est vous êtes dans un quartier et tout d'un coup, vous avez la mairie ou je ne sais pas quelle agence gouvernementale qui achète des lots et qui met des noirs dans les maisons en question. Alors, je ne vous raconte pas, parce que donc, les prix d'immobilier se cassent la gueule, parce que tout le monde sait ce qui va se passer, donc tout le monde vend en urgence son bien, etc. etc., etc. Et en France, on n'a pas fait la même chose exactement. C'est-à-dire que, ça c'est un peu la chance qu'il y a en France, c'est que le jacobinisme égalitaire issu de la terreur est antiraciste. Mais il est tellement antiraciste qu'il nie même l'existence du fait racial comme variable de la société. Alors que dans le monde anglo-saxon, on ne nie pas l'existence de la race. On est antiraciste, mais on organise la société autour de la réalité raciale. C'est complètement différent. En France, les élites françaises et l'État français partent du principe que les races n'existent tout simplement pas. Donc, comme vous le savez, on ne peut pas faire de sondage ethnique, on ne peut pas faire ce genre d'études démographiques, on ne peut pas le faire. Il y a toute une série de choses qu'on ne peut pas faire comme ça. Et du coup, on peut pas, à proprement parler, dire « voilà, vous êtes noir, on va vous loger là ». Alors, ils ont passé par la bande, c'est-à-dire qu'ils ont dit « en fait, on va réserver les logements sociaux ». Le problème des logements sociaux, c'est que oui, on peut mettre du logement social virtuellement dans toutes les communes de France, mais généralement, les logements sociaux sont massés ensemble. Parce que la mairie va acheter un lot de terrain, va construire dessus, et vous avez un ensemble de logements sociaux concentrés sur le même espace. Donc si vous mettez des populations là, elles vont rester entre elles. Et là, avec Valls, parce que le tournant est venu avec Valls, et je donne la parole ensuite à nos participants, mais avec Valls, après les attentats du Bataclan, parce que ça, c'est pas un hasard, hein. Après les attentats du Bataclan, Valls a pris la parole. C'est là qu'il a annoncé, c'était quelques mois après, hein, c'est là qu'il a annoncé sa politique de peuplement. Vous rappelez sa formule, hein, on va lancer une politique de peuplement. Alors, les gens peuvent se dire, ah bah tiens, Valls n'est plus Premier ministre, donc la politique de peuplement s'arrête. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Quand il dit, on va lancer une politique de peuplement, ça veut dire l'administration française, la haute fonction publique française, va lancer une politique de peuplement. Et moi, Premier ministre, je vous annonce la politique de peuplement. Et quand lui quitte Matignon et qu'un autre Premier ministre arrive, la politique est poursuivie. Alors, simplement, quand il a annoncé ça, on a senti qu'il allait avoir une accélération. Qu'ils allaient, parce que leur grand problème, c'est que les grandes villes françaises sont complètement saturées. Et ils se disent, finalement, dans l'arrière-pays, dans les territoires ruraux, dans les sous-préfectures de départements assez pauvres, il y a de la place, pourquoi n'irait-on pas en mettre là-bas, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Et depuis, ça continue sans arrêt, ce qui fait que maintenant, et on le voit de plus en plus, dans des villages de départements ruraux, on voit vraiment des halogènes qui d'eux-mêmes ne seraient pas venus là, mais qui sont maintenus sur place parce qu'on leur dit, voilà, on vous donne le logement, on vous donne l'aide sociale, on va vous... Voilà, il y a toute une série de choses qui sont faites pour eux. Ce qui fait qu'en fait, ils restent là parce qu'il y a une incitation financière à rester là. Mais si ça n'était que d'eux, ils préféraient de beaucoup être à Lyon... Nantes, Strasbourg, voilà, enfin, c'est là où ils voudraient être, ils ne voudraient pas être dans la Lozère, etc., par exemple. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, que voilà, c'est un effort conscient, c'est une politique d'État, et que cette politique d'État affecte les territoires ruraux, et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que la haute fonction publique est politisée, et qu'ils savent exactement où se situent les poches de résistance électorale, entre guillemets. Et vous voyez avec Marine Le Pen tout ce qui se passe au niveau du second tour. Elle a fait 42% des voix quand même, j'ai envie de dire. Ils le voient. Donc ils analysent, si vous voulez, les résultats. Ils regardent quelles villes sont potentiellement menacées. Et là, ils se mettent à faire de l'ingénierie raciale en faisant pencher la balance démographique dans un certain nombre de villes qu'ils veulent maintenir sur leur coupe. Voilà. Ce que je voulais dire, j'étais un peu long, je m'en excuse, mais c'est un effort sur la totalité du territoire français, ce qui n'était certainement pas le cas il y a encore 20 ans, 15 ans. Pour revenir aux États-Unis, d'ailleurs, Biden fait un peu la même chose. Vous savez, il y a des États clés à chaque fois pour les élections présidentielles américaines, et des États clés sur lesquels en fait tout se joue, parce qu'on sait très bien que la Californie va jamais voter en masse pour le Parti républicain, par exemple. Et donc Biden, en fait, Biden et puis aussi ses prédécesseurs hein, démocrates, c'est très affairé à régulariser tout un tas de sans-papiers dans des États clés, des sans-papiers qui, bien sûr, deviendront de citoyens américains qui voteront très favorablement en faveur du Parti démocrate, quoi, histoire de perpétuer un peu cette tradition démocratique. Voilà. Pour ce qui est de comment il dirait d'Eric, du ventilage de nègres, je crois qu'il dirait ça oui, comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. qui se passe dans nos grandes villes françaises ou de plus en plus maintenant dans les campagnes. Alors, il y a deux solutions quand ça marche pas. Alors, quand ça marche pas dans les villes, on fait ce qu'on appelle des plans banlieues. Voilà, des plans banlieues. Donc, il y a des milliards qui, tout à coup, vous savez, vous n'avez pas le droit aux milliards, vous. Vous payez des impôts et tout, vous n'avez pas le droit aux milliards. Mais, des fois, il y a des cités qui crament, il y a des milliards qui apparaissent, et on dégage des milliards pour des plans banlieues, et donc, on donne de l'argent à tout un tas de trucs pour qu'en gros, les nègres arrêtent de faire les nègres. Et quand c'est au niveau local, on va dire dans un milieu un peu plus rural, il y a aussi des plans banlieues, mais c'est moins flamboyant, en fait. Ça se passe souvent dans les conseils départementaux, conseils régionaux. Et en fait, on fait la même chose. Ça se sait beaucoup moins, mais on arrive quand même à leur dire, bon, écoutez les moulouds, là, on vous construit un stade de foot, hein, et est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter de cramer un peu tout ce qui bouge, comme ce fameux cirque, je ne sais pas si c'est histoire du cirque. Oui, bon, on en avait parlé. Ouais. On avait parlé dans l'émission, et puis je crois que c'était le surlendemain, alors on ne va pas se laisser faire, on va leur construire le cirque, on va en faire un autre. Oui, c'est-à-dire que c'était un cirque qui avait été construit. C'est pas un cirque professionnel pour les. Non, c'était un cirque qui avait été construit pour la banlieue. Je sais plus quelle ville. D'ailleurs, qui était dirigé. C'était un département de droite d'Île-de-France. Hein. C'était de droite entre guillemets, mais qui était tenu, je crois, par Bédier, me semble-t-il. Me semble-t-il que c'était Bédier. Et donc, ils avaient créé un cirque pour divertir la population locale, qui l'a brûlé, et ils ont réagi en reconstruisant, effectivement. Et on avait appris à cette occasion-là, on en avait parlé dans l'émission, dans le détail, parce qu'on avait appris qu'ils avaient refait toute la cité. Là aussi, théorie marxiste, si les gens sont malheureux, c'est leurs conditions de vie qui font qu'ils sont malheureux, qu'ils se comportent mal. D'accord, ça vient pas des populations, ça vient du cadre. Ça, c'est fondamentalement, c'est une approche des problèmes fondamentalement de gauche, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme dans les populations concernées. Donc, comme ça peut pas venir des populations concernées, c'est forcément quelque chose qui cloche dans leur environnement. Donc, je sais pas, c'était la couleur des murs, c'était les espaces verts, voilà, ce genre de choses. Et on avait. Attends, excuse-moi, Grenal, parce qu'il y a quand même environ. Peut-être 3 semaines, il y a une vidéo fondamentale qui est tombée sur le site de DP où on voyait un quartier complètement remplacé avec un petit jardin jeu d'enfants qui est en train de cramer. Et en fait, c'était les gamins. Mais quand je dis gamins, c'est des gosses qui sont en primaire, quoi, de race absolument improbable, qui témoignaient, ouais, bah, écoutez, on a foutu le feu parce qu'il faisait froid. Donc, oui, voilà. C'était à Perpignan, chez Louis Alliot. C'était un quartier de Perpignan chez Louis Alliot, c'était des maghrébins qui étaient en train de brûler le mobilier destiné aux enfants, donc à leurs enfants à eux, hein. Et ils étaient en train de l'incendier, c'était des gamins de 12 ans, et on leur demande pourquoi vous brûlez, ils disent on a froid. Donc voilà, alors dans le cas précité là, relatif au cirque, c'était un grand cirque en plus, qui avait été incendié, la totale, le quartier, c'était un quartier, c'était pas une ville. Donc la rénovation totale du quartier, la rénovation urbaine, ça a été un grand thème pour en finir avec les émeutes raciales, c'est-à-dire dans ces zones. Ça, dans cette seule commune, dans ce quartier, ça a coûté des centaines de millions d'euros. Vous m'entendez bien? Pas des dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros. Donc on est sur des volumes d'argent qui sont... Que les petits Français de la classe moyenne ou des classes populaires, au sens... Vous savez, quand la gauche parle des classes populaires, ils veulent dire les allogènes, en fait. Ils veulent dire les extra-européens, les non-blancs. Ça, c'est leur truc. Ils disent les quartiers populaires. Ça ne veut rien dire, les quartiers populaires. Qu'est-ce que ça veut dire, populaire? Ça commence où? On peut me montrer ça sur un cadastre, un quartier populaire? Comment ça se détermine, ça? J'ai bien vu, d'ailleurs, il y a Ruffin, parce que... Excusez-moi de cette digression, mais j'ai vu Ruffin, qui, au lendemain de l'élection présidentielle, s'exprimait sur une radio française, donc député de la France insoumise, qui disait il faut allier la France populaire rurale et la France populaire des quartiers. Vous voyez, c'est comme les gars s'interdisent, et c'est culturel en France, s'interdisent de parler des réalités raciales, bah pour pas dire blanc et pour pas dire halogène extra-européen ou afro-musulman, on dit la France populaire rurale et la France populaire des quartiers. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, c'est des termes liés à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire ou à la description géographique. Vous voyez, ils passent par ce type d'euphémisme. Et donc il y a bien une ségrégation, mais la ségrégation, c'est les populations françaises rurales qui la subissent. Rien n'est fait pour les populations françaises rurales. Il y a la moitié de la population française qui ne vit pas dans des grandes villes, hein, il faut quand même l'expliquer aux gens, hein. Et qui sont laissés à leur sort, en fait. Donc il y a énormément de misère cachée dans ces pays-là, dans l'arrière-pays, on va dire. En plus, culturellement, on ne va pas étaler sa misère, c'est-à-dire qu'on ne va pas facilement mendier parce qu'on trouve que c'est déshonorant. Alors que les halogènes à papier français qui se livrent aux émeutes raciales, qui saccagent ce qu'on leur donne, d'où un prix d'or, eux n'arrêtent pas de demander. C'est-à-dire, vous leur donnez, mais ils brûlent tout pour en avoir encore plus, si vous voulez. Donc, voilà. Et tout ça, moi je trouve qu'en en 2022... En dépit du fait que, soi-disant, la parole s'est libérée, qu'on peut parler de sujets, ah oui, il y a des choses qu'on peut dire, mais je trouve que de cette fracture, Chirac parlait de la fracture sociale, en réalité, c'est une fracture raciale, je trouve que la fracture raciale, on n'en parle pas assez, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de ce que vivent les Blancs, donc les Français de race blanche, donc les vrais Français, dans les dizaines et les dizaines et les dizaines de départements ruraux où ils sont laissés à l'abandon, on ferme leur maternité, on laisse leur route, il n'y a plus d'entretien des routes, on les laisse, les ponts, on les laisse progressivement s'affaisser. Et paradoxalement, l'argent coule à flot dans toutes les fameuses banlieues que la gauche trotskiste nous décrit comme étant au bord de la famine, quoi. Donc, voilà, si vous voulez, c'est incroyable. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est incroyable de voir comment le prisme médiatique déformant aux mains des élites françaises, qui vivent à Paris-Centre, en gros, présente à la totalité du pays une représentation sociale et raciale du pays qui n'a rien à voir avec sa réalité. C'est-à-dire que si vous regardez les médias français, en gros, vous avez l'impression, si vous voulez, qu'à 3 km de Paris-Centre, c'est la famine, les Noirs meurent de faim quand ils ne sont pas assassinés par la police raciste, nostalgique du Troisième Reich. Donc ça c'est Mediapart. Vous voyez, ça, c'est Mediapart, ou Libération. Et puis il y a la réalité. La réalité, c'est que toutes ces grandes banlieues sont gavées d'argent public, clientélisme ethnique, etc. Puis vous avez tous les Français à 30, 40, 50 km dans leur commune sinistrée où il n'y a plus d'usine, il n'y a plus rien. Et eux, ils n'existent pas. Ils existent qu'à un seul moment dans l'année, c'est aux élections présidentielles, c'est quand ces salauds votent Marine Le Pen. Et alors là, ils se rappellent au bon souvenir des dirigeants qui s'assurent bien de leur cracher dessus. On leur dit, comme Macron, hein, le lendemain du premier tour, hein, dans le lendemain du deuxième tour, où il a bien dit que les 42% qui avaient voté Marine Le Pen étaient tous des fascistes. Il n'a pas dit j'ai compris le malaise, je vais rassembler, même si c'est du baratin. Il a dit non, non, mais les 42%, c'est des fascistes. Pour qui c'est lire ces déclarations, c'est clair. Enfin bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Qui veut réagir autrement là-dessus? Tiens, Sobieski, toi, t'es là. Est-ce que il nous a rejoint, je le salue. Est-ce que tu n'avais pas parlé de la Nièvre récemment dans une émission en disant que c'était un peu plus préservé? Oui, c'est un peu plus réservé, mais c'est très sinistré économiquement. C'est-à-dire que, tu vois, j'aime bien prendre cet exemple, c'est de dire, à Saint-Denis, ils brûlent le cinéma, et ben à Nevers, il n'y a plus de cinéma. Bon. Oui, parce qu'en fait, on a un auditeur qui réagissait, je pense, à tes déclarations à toi, même si je pense qu'il réagissait aussi aux déclarations de l'hydromel, en disant, ouais, mais Nevers, c'est complètement remplacé ethniquement. Bah, après, ça fait longtemps, un petit moment que je suis pas retourné, mais Nevers, c'est vraiment le centre-ville, si tu veux, de ce que j'ai pu voir. Et après, c'est typique des centres-villes français, ça, d'ailleurs. Mais après, pour le reste, c'est préservé, mais préservé parce qu'en même temps, bah, y a rien. Je veux dire, c'est une ville qui est sinistrée, les bâtiments sont... C'est du bois, du vieux bois qui se fait bouffer par les mythes. Enfin, je veux dire, personne n'a envie d'habiter là-bas. Et donc, les bougnoules, ils sont pas fous. Hein. Enfin, ils sont pas fous. C'est des petites princesses. Hein. C'est des petites princesses, ces gens-là. Attention. Hein. C'est... Oh, mais comment ça? Moi, je vis dans un endroit insalubre. Non, non. Donc, c'est ça le truc, en fait. C'est que les gens de Nevers, les blancs, ils se cassent parce qu'il n'y a, bah, a rien, en fait. Et c'est très triste, d'ailleurs. C'est une belle ville, hein, sincèrement. Mais c'est préservé, après c'est à nuancer, hein, je précise. Après c'est le problème des villes. Mais après la Nièvre dans son ensemble, c'est plutôt préservé. Ça vote d'ailleurs massivement Front National, de ce que j'ai pu voir. Après, je dis ça, mais j'ai peut-être un retard de 4-5 ans. Donc en 4-5 ans, j'ai vu que dans la République française, ça peut très vite changer. Donc, mais cela dit, j'invite tous les participatifs de LB à témoigner et venir dresser un portrait plus fidèle. Voilà. Vincent, de tout ce qu'on a dit, je ne sais pas si tu as envie de préciser quelque chose, ajouter quelque chose. Bah, moi, le problème, c'est que... Pardon. Moi, le problème, c'est que je suis encore... J'ai encore passé pour le pisse-vinaigre, quoi. C'est que je suis désolé, hein, mais ce que j'entends là, bon, ben moi je l'entendais déjà dans les années 80, même si le phénomène était naturellement, c'était epsilon par rapport à aujourd'hui. Mais je me rappelle encore des discours au Front National où j'étais, où on disait bon, mais ça y est, c'est le début de la fin. Et on a eu les premiers sursauts à la fin des années 80. Je lis encore, je vois encore dans National Hebdo Bruno Maigret disant bon, vu ce qui se passe, vu cette immigration, invasion, à l'époque on était beaucoup plus libre de parler, avant la fin de la décennie, c'est-à-dire avant l'an 2000, nous serons au pouvoir. Bon, alors on a vu ce qu'on a vu. Et alors à l'époque on disait oui, mais vous comprenez le phénomène, et c'était vrai d'ailleurs. Se cantonne aux grandes villes, la population française n'a pas conscience de ce qui se passe, alors vous comprenez, elle continue à voter. Et voilà, je dirais 20-25 ans après, une trentaine d'années après, le phénomène est omniprésent, omniprésent. Je vois même, moi, dans ma Normandie, qui est quand même plus, c'est vrai, plus préservé, le phénomène est là. Quand je suis revenu à Caen en 2015, j'ai vu, en effet, j'ai dit, oulala, mon Dieu, ça a changé. Hein. Bon, eh bien, je m'aperçois que on peut plus dire aujourd'hui que la masse des Français ne le sait pas. Comme tu disais tout à l'heure, comme vous disiez tous tout à l'heure, les Français, ils sont dans des villes sinistrées, on leur donne pas d'argent, écrasés par les taxes, etc. D'un autre côté, ils voient bien, c'est évident que quand on fait des rénovations urbaines, quand on veut calmer ces populations en faisant des stades, des jardins, des plein de choses, sans compter les vacances payées Ou des fois, ça se termine très mal. Hein. Il y a eu un cas où il y a eu deux cars d'halogène qui avaient été emmenés en vacances. Ils se sont arrêtés sur une aire d'autoroute. Quand ils ont quitté l'aire d'autoroute, ça avait été, on aurait dit que c'était la guerre. Hein. Ça remontait à une vingtaine d'années, ça. Bon, et bien, ce que je vois, c'est que malgré ça, là où Marine Le Pen, quoi qu'on en pense, hein, devrait faire 60%, je veux dire, 70%, je veux dire, ça, il devrait y avoir un raz-de-marée. Mais il n'y a rien. Enfin, il y a 42%. Comment ça se fait? Moi, je dis toujours comment ça se fait. Maintenant, on ne peut plus dire, on ne peut plus dire que les Français ne le voient pas. Ce n'est pas possible. C'est parce qu'ils ne veulent pas le voir. Et c'est pour ça que je le dis et je le répète. Tant que les supermarchés seront pleins et que les gens pourront encore se replier sur leur sphère privée, eh bien, la situation va continuer, avec les, en effet, par les initiatives de l'élite française, enfin, l'élite entre guillemets, hein, qui organise cette, je dirais, oui, voilà, ce déversement des populations halogènes un peu partout, ça va continuer, ça ne peut plus s'arrêter maintenant. Il faudra vraiment arriver à une crise pour qu'enfin, le peuple se réveille, mais le problème, c'est voilà, c'est que est-ce que ce sera pas trop tard? C'est pour ça que moi personnellement, j'espère que la crise viendra autrement, parce que sinon, c'est à désespérer pour quelqu'un maintenant comme moi qui approche de la soixantaine, qui a commencé à militer à 20 ans. Il y a rien de nouveau en fait dans les discours, absolument rien. Il y a juste que l'État s'est aggravé, enfin l'État de la France s'est aggravé considérablement, mais ces discours. C'est, je me rappelle, lisant National Hebdo dans les années, c'est ça, fin des années 80, début des années 90, dans le courrier des lecteurs, dans les brèves, c'est exactement les discours que j'entends aujourd'hui chez les jeunes, qui parlent de leur ville en disant, enfin, les moins jeunes, qui parlent de leur ville en disant, mais mon Dieu, que c'est sinistré. Donc, il y avait déjà ça. Mais les gens persistent à ne rien voir ou à se résigner. Et c'est cette résignation qui me consterne, moi, qui m'a toujours consterné. Donc voilà, je suis, encore une fois, je suis désolé d'avoir un discours qui plaît peut-être pas, mais quand j'entends des gens qui nous disent, oh, on en a marre des bougnoules, des nègres, des boucaques, des machins. Très bien. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de réactions, même aux élections présidentielles? Je veux dire, comment se fait-il? S'il n'y a pas plus, je dirais que voilà, moi depuis les années 80, ça me consterne. Le peuple français, mes frères de race sont toujours consternés. On a eu des espoirs dans les milieux des années 80 avec l'affaire de Dreux. On dit ça y est, c'est bon, ça a démarré, ça va plus s'arrêter. J'ai conservé des articles de National Hebdo que j'ai remontré d'ailleurs dans certaines vidéos où on disait ça y est, ce n'est qu'un début, la fusée est partie, c'est génial, voilà. Mon Dieu, quel voilà, tout à fait un flop. Et puis, ben voilà, maintenant, comme on est maintenant. Donc, il y a un problème. Il y a un problème qui, moi, pour moi, dépasse justement ce problème d'invasion. C'est un problème qu'il y a chez nous, à l'intérieur de nos propres populations. Comment expliquer, au-delà des explications qui sont trop simplistes, c'est vrai que les médias donne une fausse image, mais enfin les gens qui sortent de chez eux, les gens qui voient ce qui se passe dans leur quartier, médias ou pas médias, ils vivent dans leur chair, les gens qui retrouvent leur voiture brûlée et dont l'assurance ça va être problématique, qui ne peuvent plus aller travailler, ils le vivent dans leur chair, tout ça, les gens qui sont agressés, les gens qui sont obligés de déménager parce que leur ville est sinistrée, bon, ils le voient, quoi que disent les médias de la rive gauche du Paris, ils le voient. À chaque fois, on se dit d'élection en élection, bon ben c'est bon, ça y est, ça va arriver. Ça n'arrive pas. Et là, on vient d'avoir à nouveau Macron. Excusez-moi, mais voilà, donc, les rapprochant de la soixantaine, moi, j'attends autre chose, donc une réaction. J'attends un phénomène qui va contraindre les gens à se réveiller s'il en est encore temps. Voilà ce que j'avais à dire. Hein. D'accord. Alors, j'ai un deuxième courrier que je vous livre tout de suite, parce qu'il s'inscrit dans la même discussion. Salut à l'équipe. Voici un court témoignage en plein cœur du système bénévole et associatif. Comme les temps sont durs pour le goy moyen, je vais à la banque alimentaire afin de compléter mon garde-manger, plus précisément au Resto du Cœur. Je me suis décidé il y a quelques semaines à franchir le pas, non sans difficulté, car je ne m'y retrouvais plus dans mes finances. Je suis ce qu'on appelle un travailleur pauvre. L'inscription se fait par un entretien, vous avez le droit à la collecte un jour par semaine, l'équipe est composée exclusivement de boomers. Certains ne sont pas méchants ni hypocrites, mais à mon avis, ils pêchent plus par naïveté ou par ignorance des véritables problèmes de fond. Immigration galopante, danger de l'islam, propagande progressiste, etc. Pendant que je suis en train d'attendre à l'extérieur du bâtiment et qu'un cassos blanc se met à pisser à seulement quelques mètres de nous, je me mets à discuter avec un agriculteur à la retraite. Ses fins de mois sont difficiles, alors il va au resto. Il me raconte que les boomers sont de plus en plus radins concernant les denrées alimentaires, que l'arrivée des Ukrainiens a augmenté la demande alimentaire. Il me dit aussi que ces boomers ont eu des travails simples, qu'ils ont de bonnes retraites et que du coup, ils ne se rendent pas compte des besoins alimentaires, donc réels, des plus démunis. En général, je suis accueilli par deux boomeuses désagréables. Bizarrement, je ressens un certain sentiment de supériorité intellectuelle. Je leur donne ma carte d'adhésion, puis j'attends mon tour dans une grande salle. Les adhérents sont composés de crouilles, de nègres, de latino-sud-américains, de roms ou d'individus issus de contrées orientales lointaines parlant un sabir incompréhensible. L'autre partie est composée de français blancs, c'est-à-dire de cas sociaux, depuis toujours ou ayant subi un déclassement social, comme moi. Et de femmes ukrainiennes, fraîchement débarquées. Ce sont des groupes de femmes seules et plutôt distantes, bien loin des canons de beauté slaves que nous montrent les magazines de mode ou le porno. Pour anecdote, le quartier où se situe la banque alimentaire est de plus en plus grand remplacé. Il y a seulement une quinzaine d'années, c'était un quartier et une ville 100% blanche. C'est assez surprenant à constater. Ça ressemble de plus en plus à une annexe de la région parisienne. Et pourtant, géographiquement, le quartier en est loin. Quand vient mon tour, je prends le temps de discuter avec le boomer qui m'accompagne car vous êtes limité dans vos choix alimentaires. Il y a un quota à respecter, c'est une méthode par rationnement. Selon les dires de la personne qui m'accompagne, il y a un nombre croissant de familles françaises blanches qui ont recours à la banque alimentaire. Je suis attristé pour ces familles dans la galère. Elle me dit également qu'elle a voté pour Macron lors des dernières élections présidentielles qui, selon elle, maintiendrait un modèle social juste et égalitaire. Une forme de statu quo que l'extrême droite aurait, donc si elle était passée, aurait au contraire apporté le chaos. À ces mots, je souris légèrement si elle savait ce que je pensais. Je remplis mon sac de courses et puis je sors. Donc c'est signé Doliprane qui nous remercie, c'est nous qui le remercions pour son témoignage, c'est pas facile pour lui puisqu'il nous dit qu'il est un travailleur pauvre, donc c'est quelqu'un qui travaille mais qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, donc il fait de son mieux, et évidemment comme, on dit, comme je disais, hein, c'est jamais évident d'aller solliciter l'aide, hein, parce que c'est, on peut percevoir ça comme un aveu de faiblesse, et donc la personne sur place qui l'encadrait, qui l'aidait, à faire ses choix, lui expliquer qu'en fait ça devenait de plus en plus commun en fait que des familles françaises pas du tout marginales en viennent en fait à solliciter l'aide alimentaire. Hein. Donc, vous avez compris ce qu'a dit notre auditeur. Et donc il y a bien une section, une séparation entre les groupes raciaux qui composent les demandeurs, hein, donc les allogènes, essentiellement d'Afrique et d'ailleurs, hein, bon voilà, et les blancs, mais parmi les blancs, il y a les cas sociaux, les travailleurs pauvres, donc déjà deux catégories distinctes, et plus récemment, les Ukrainiens, qui se tiennent à de bonne distance de tout le monde. Alors, vos réactions là-dessus, est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose suite à cette déclaration? Peut-être Vincent, alors toi tu vas me dire, bah, justement, c'est ce que je viens de dire, mais comment dire il y a quelque chose qui m'intéresse là dans l'échange que notre auditeur a avec, avec l'encadrant, l'encadrante en l'occurrence, qui lui dit « bah voilà, moi j'ai voté Macron parce que je sais qu'il va garantir le modèle social et une certaine forme d'égalité, alors que l'extrême droite, pas du tout ». Toi, quand tu entends ce type de réaction, alors donc de ce qu'il nous dit, il dit que c'est une personne qui a, génération 68 plus ou moins, quand tu entends ce type de réaction de la part de ce genre de personnes, qu'est-ce que ça déclenche en toi? Je serais, curieux de l'entendre, de voir. Parce que finalement, en fait, de ce que nous dit notre auditeur, c'est qu'en fait, en gros, probablement beaucoup des personnes, des Français de souche qui vont solliciter l'aide alimentaire votent Le Pen, et ceux qui leur donnent l'aide alimentaire votent Macron. Et visiblement, c'est assez fascinant, visiblement, les encadrants des Restos du Cœur ne se connectent pas à ce que vivent les populations françaises de souche dans la difficulté. Parce que si elles le faisaient, ils voteraient aussi comme eux. Or, c'est pas le cas. Je serais curieux d'entendre peut-être une remarque là-dessus, si tu en as une, bien évidemment. Ah bah oui, parce que moi, c'est exactement les boomers, c'est dans ma famille, hein, c'est exactement ça, ils sont tous comme ça. Moi, je suis l'exception, moi. C'est-à-dire que ce sont des gens, et ça m'avait frappé, ce sont des gens, en effet, qui s'aveuglent. C'est-à-dire que, voilà, elle plaque un discours, en gros, Macron, voilà, c'est un modèle social qui va porter ses fruits, et mais attention, l'extrême droite, et puis ça va mettre le chaos, puis on sait où ça a mené. Attention. Hein. Et c'est un discours complètement d'aveuglement, c'est-à-dire que ce sont des gens qui raisonnent seulement pas au-delà du seuil de leur porte, je dirais. C'est-à-dire que, voilà, ils sont chez eux, ils vivent bien, en général, ça va, ils sont assez préservés, et tout ce qui se passe au-delà de leur porte, ils ont une totale indifférence. Alors, une totale indifférence qu'ils vont racheter par des petites actions, c'est ça. Ils vont aller distribuer au Resto du Cœur. Et ça va permettre de les libérer de cette dissonance cognitive. Parce qu'ils voient bien que de toute façon, dans la société, ça marche pas tellement, qu'il y a des gens pauvres, il y a des gens blancs. Alors, comme pour eux, ça va, ils vont acheter cela en disant, bah, voyez, moi, j'aide quand même. J'aide, mais en tous les cas, je garde confiance dans le système d'Emmanuel Macron. Puis surtout, je refuse l'extrême droite dont on sait où ça a mené, les heures les plus sombres, le fascisme, blablabla, blablabla, blablabla, etc. Et donc, ça maintient. Mais ce que je persiste à dire, c'est que ces boomers qui sont là ne forment certainement pas la majorité. Hein. Ça forme encore des privilégiés qui sont en minorité. Et malgré ça, il y a encore une réélection d'Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il y a, se joignent à ces boomers, ce que moi j'appelle toute une frange de gens qui sont, je dirais, résignés. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, ben, on n'a plus que les miettes, mais après tout, ben, les miettes, c'est déjà ça. Et un système ne fonctionne que lorsque il y a toujours une classe de dirigeants qui profitent du système, là, donc qui vont lutter pour que le système persiste. Il y a après ce que j'appelle les gens qui acceptent le système parce qu'ils ont une part du gâteau qui est assez conséquente. Ce sont les boomers. Les boomers sont les principaux représentants de cette classe. C'est-à-dire, ils sont pas forcément dans une grande richesse, mais quand ils ont une part du gâteau, ça va, ils peuvent aller en vacances, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis après, il y a, je dirais, les résignés. C'est-à-dire des gens, voilà, qui sentent que tout va mal. Et puis certains, voilà, se mettent à voter Le Pen, quoi qu'on en pense encore une fois, hein, mais beaucoup soit s'abstiennent, soit continuent en se disant « Ouais, mais avec Macron, malgré tout, bah, on a toujours l'aide sociale, il y a toujours les miettes. » Et j'en ai rencontré, moi, des gens comme ça, absolument. J'étais abasourdi de dire « Enfin, comment ça, vous votez encore pour… » À l'époque, c'était l'EDF, le RPR, le PS. « Vous votez encore pour des gens comme ça ?» Oui, mais ça maintient quand même. Vous comprenez, avec l'extrême droite, on ne sait pas trop. Il y aura peut-être plus d'aide sociale. Patati patata, un discours complètement terrible. Et donc, tant que ces gens-là, ces résignés, ce que j'appelle, ne franchiront pas le pas, on va rester dans des choses comme ça, où les boomers auront toujours beau jeu de dire « Ah mais oui, mais moi j'aide, c'est bien, et puis ça va porter ses fruits un jour ou l'autre, et puis etc. etc. » Voilà ce que c'est quelque chose que je vois tout à fait et j'ai vécu à peu près la même chose dans la justice d'ailleurs, vous savez, ces espèces de juges qui vous font la morale en disant mais non, faut pas être extrémiste. Il y a un modèle social qui fonctionne encore. Des gens complètement aveuglés, mais qui s'auto-aveuglent. Parce que pour moi, ils sont pas trompés, ces gens-là. C'est qu'ils s'auto-aveuglent parce que ça les arrange bien. Je veux dire, encore une fois, quand ils rentrent chez eux, ils peuvent fermer leur porte à quadruple tour et ils sont protégés, etc., etc. Ils mettent leur voiture dans le garage souterrain, bien gardé, voilà. Mais le jour où, bon, tout craquera, ça va peut-être sûrement changer. Voilà quelle était ma réaction face à cela. Alors pour les gens qui sont un peu une situation difficile, pas comme cet éditeur qui nous a partagé son courrier, mais disons quelqu'un qui est au RSA en France, eh ben, c'est malheureux à dire, mais le RSA, en fait, la vision du RSAiste, c'est ça pourrait être pire, j'ai peur, c'est toujours ça de gagner. C'est-à-dire que quand tu es au RSA, c'est en le France, résigné. Merci Pierrot, c'est exactement ça, c'est le résigné. Ça pourrait être pire. J'ai au moins un petit truc, on me laisse les miettes qui sont tombées de la table, je les prends et je les mange. Je les lèche au sol, mais au moins j'ai ça. Avec les sandras, j'aurais peut-être même plus les miettes, j'aurais le camp de concentration. Oui, puis c'est pas, enfin, un mec qui est récent en France, bon, c'est pas forcément la joie tous les jours, j'entends bien, mais il peut choper des aides un peu à droite à gauche, il est pas dehors, il a un toit, il a le chauffage, il a l'eau courante. De temps en temps, il peut même se payer, je ne sais pas quoi, un repas à domicile. Il a Netflix, le porno, enfin, il a tout un tas de trucs qui permettent des sas de décompression, quoi. C'est ça. Donc, il se dit, oui, bon, bah, écoutez, vous êtes bien gentil avec vos idées, mais moi aussi, j'ai une vision assez matérialiste, et donc, je m'y accroche parce que je ne sais pas ce que je peux gagner, mais je sais ce que je pourrais perdre. Pour ce qui est des boomers qui donnent, qui font comme ça, qui donnent de l'argent, de l'argent, des repas au Resto du Cœur. Bon, eux, c'est des gens confortables, donc ils veulent le statu quo, la stabilité, donc ils votent Macron parce qu'ils veulent pas que les choses bougent. Ceux qui reçoivent les repas, qui sont vraiment en galère, un témoignage touchant d'ailleurs notre auditeur. Eux, bien sûr. Ils ont envie qu'ils ont rien à perdre. Donc les gens qui ont rien à perdre, ils se disent ouais, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, enfin, ils votent ce qu'ils appellent extrême, bien sûr, tant qu'ils peuvent, parce qu'il faut que ça pète. Et donc là, ça va rejoindre une chose, je ne sais pas, qu'on a dit peut-être un million de fois dans l'émission, et ça va sûrement ravir Vincent, mais si vous voulez, bien sûr, qu'il y ait un changement radical en France, bah, du coup, il faut qu'il y ait des gens qui soient dans une optique où ils n'aient plus rien à perdre. Alors, je dis pas qu'il faut qu'il y ait une armée de clodos, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut des gens qui soient vraiment dans une optique d'aventure. Je connais très peu de révolutionnaires qui viennent de la bourgeoisie. Ça peut exister dans la marge, mais c'est pas courant, quoi. Donc, il nous faut un traité de Versailles. Voilà, il nous faut un traité de Versailles. Exactement. Il faut que les gens aient faim, qu'il n'y ait plus le toit assuré ou plus le chauffage sous leur toit, et là il peut y avoir un réveil brutal. Mais tu as raison, tant que les gens ont Netflix, ont des miettes, voilà, peuvent se payer de temps en temps un petit plaisir, un petit repas, ça ne pètera pas. Et tant qu'ils pourront aller à la banque alimentaire, et c'est ça qui est très grave, le RSA, c'est une invention géniale de l'État. Pour moi, c'est une invention horrible, mais c'est une invention géniale. On achète aux gens, on achète les gens en leur disant, vous voyez, on vous donne encore ça, mais vous pouvez le perdre. Hein. Bah, donc c'est les distributions de pain gratuites à Rome. Exact, exact. Le chômage. Imaginez maintenant une société maintenant où Macron a le choix d'éradiquer complètement le chômage. Je ne suis pas sûr que ça l'intéresse d'actionner le fameux bouton magique. D'accord, parce que le chômage a des intérêts. Le chômage, ça permet de garder tout un tas de classes moyennes, classes populaires, ce que vous voulez, de gens qui ont peur, en fait, qui se disent « bon, bah, je vais quand même pas faire la révolution parce que je pourrais très bien devenir clochard ». Exactement, je pourrais me retrouver à la rue. Et Macron, il s'en fout. Hein. Macron, il a un mandat à deux, et puis après, il passe à autre chose, peut-être qu'il reviendra dans quelques années. Mais les chômeurs, ils s'en foutent, quoi. C'est pas son souci. C'est pire que ça. C'est-à-dire que là, en fait, le chômage, le RSA, c'est devenu une arme de contrôle social. Tout à fait. Parce que maintenant, le type qui est au RSA, il se dit, ah ouais, mais quand même, je peux encore manger mon kebab, je peux quand même regarder mon Netflix. Quand le gouvernement me dira, quatrième dose, mon petit, eh ben, le petit ira se vacciner. Et il ne va pas broncher parce qu'il va se dire « Attends, je ne me fais pas vacciner. » Et vu que les gens pensent court terme, quand il y a un, je ne sais pas moi, un dissident ou un démocrate qui lui dira « Mais Coco, tu sais que tu fous ton système immunitaire en l'air pour le restant de tes jours. Là, tu as 25 ans, 30 ans. Hein, je veux dire, dans 20 ans, tu feras pas 20 ans. » quoi. Et le type te répondra « Ah, mais de toute façon, les gens voient les court terme, donc en fait c'est parfait. Ils ont créé la parfaite armée de golems. C'est un système vraiment dystopique. On voyait ce genre de choses dans les films des années 70, 60-70. On pensait pas que ça deviendrait une réalité. Oui, prochaine étape, le revenu universel. C'est un peu le même principe, mais en pire. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je pensais à vous dire, c'est prochaine étape, revenu universel, mais. Comme dirait un certain Youpin, Laurent Alexandre, le revenu universel, c'est une invention d'extrême droite. Oui, bon, ça ne veut rien dire, ça. Mais vous avez raison sur la question du chômage comme moyen de pression psychologique et comme arme de contrôle social. Parce que le chômage de masse existe depuis les années 70. Premier choc pétrolier, en fait, hein, c'est là que le chômage s'est envolé. Donc là, ça nous amène au début des années 70. En 73, choc pétrolier, l'économie occidentale qui est très indexée sur le pétrole arabe, du coup, entre en récession, le chômage s'envole, le chômage de masse s'envole. Il ne va jamais baisser. Et en fait, il y a eu toute une série de dispositifs qui ont été créés pour l'aménager. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont compris que c'était très utile. Parce que, entre-temps, ils ont mené une politique d'immigration massive. Et l'immigration massive, elle a au moins une qualité dans tout ce qui est non qualifié. C'est que ça permet de mettre une pression extraordinaire sur les gens, sur les classes autochtones pauvres, parce qu'elles sont mises en concurrence. Exactement. sur les rares emplois qui sont disponibles pour ces classes. Et comment dire, je voyais, parce que ce qui me fait réagir, c'est que depuis, je l'ai déjà dit dans l'émission ces derniers temps, mais je crois que c'est quelque chose qui doit vraiment, enfin, je veux vraiment insister sur ce point, sur ce changement sémantique dans le traitement médiatique lorsque ces situations sont présentes. Je veux parler des patrons qui sont présentés par les médias comme des héros de l'humanitaire, et même de l'humanitaire, donc du bien, donc des gens fondamentalement charitable et bon, parce que ils décident d'embaucher au noir des migrants clandestins. Et depuis un an environ, ça existait avant, hein, bien sûr, mais depuis un an dans les médias s'enchaînent, se succèdent les histoires pour faire pleurer dans les chaumières, où vous avez donc la méchante administration, alors qu'en France, excusez-moi, les OQTF, donc c'est-à-dire les décisions d'expulsion de migrants clandestins, ne sont pas appliquées dans 95% des cas. Donc en fait, on n'expulse pas en France. D'accord ? La norme, c'est la non-expulsion des étrangers clandestins en France. C'est la norme, à 95%. Donc les médias nous présentent l'administration comme extrêmement oppressive quand parfois, miraculeusement, on décide d'expulser une personne, et au contraire, on présente le patron, qui est un Thénardier, comme, au contraire, une figure de l'émancipation du prolétariat. Je trouve ça extraordinaire, c'est extraordinaire. Et ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose sur l'idéologie dominante. Et c'est tellement dominant, parce que les gens, si on regarde qui possède les médias et qui, dans les rédactions, décide de présenter les faits comme ceci. Parce que jusqu'à une date, il n'y a pas si lointaine, on aurait simplement dit que c'était des patrons voyous. C'était des patrons voyous qui exploitaient la misère humaine et qui profitaient de gens qui étaient en situation irrégulière pour justement les faire travailler sans avoir à respecter les différentes normes salariales, etc. Et il y a une inversion complète. Il y a une inversion complète. Et le migrant est content, en plus. C'est-à-dire qu'il est exploité et content. Le patron, il est exploiteur et content. Et la presse, les médias, hein, c'est France 3 Région, c'est les titres régionaux, c'est souvent dans les médias régionaux que c'est très fort, ça. On nous explique que c'est extraordinaire. Quelle honte quand même que l'administration refuse de régulariser ce migrant exemplaire. Évidemment, il ne parle pas de tous les autres qui sont un petit peu moins exemplaires, si jamais on peut parler d'exemplarité. Et là, la France Insoumise vient de nous présenter quoi ? Un patron. Ne rigolez pas, les marxistes ont trouvé un patron à nous présenter aux élections législatives. Mais pas n'importe lequel. Un boulanger qui a embauché un migrant clandestin. Donc là, on a la... C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que quand Mélenchon appelle à voter Macron au second tour de l'élection présidentielle, il y a une connivence totale entre la gauche sans frontiériste et la bourgeoisie sans frontiériste. Ces gens sont queues et chemises. Ils se disputent sur des queues de cerises, mais ils sont foncièrement, fondamentalement d'accord. Mélenchon est fondamentalement d'accord avec Macron. D'ailleurs, quand il l'avait rencontré à Marseille il y a quelques années, il était tout penaud dans ses chaussons, tout déférent face à Macron. Alors que quelques heures avant, il l'avait insulté dans tous les médias. Et quand on lui a dit « Mais monsieur Mélenchon, vous avez traité Macron de tous les noms il y a quelques heures », il dit « Mais non, c'est pas vrai, vous racontez n'importe quoi », alors que c'était devant les caméras. Bon. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. Il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non, voilà. Est-ce que votre adversaire, c'est plus le Front National que lui-même, finalement ? Ah, j'ai aucun doute. Oui. Ça, j'ai... Hey. On a des confrontations politiques, philosophiques, mais Mélenchon, ça n'est pas mon ennemi. C'est ça la réalité, d'accord ? Et donc, on a cette alliance maintenant entre le patronat, alors ça peut être le grand patronat, mais aussi un petit patronat, et la gauche sans frontiériste, pour une raison évidente. Pour une raison évidente, c'est que le remplacement de population permet d'alimenter constamment un patronat qui ne peut plus exiger en fait la baisse des taxes, parce que c'est ça, ils ne peuvent plus exiger la baisse des taxes parce que le système est ruiné, donc ils ne vont pas baisser les taxes. Et bien l'État leur dit, vous avez raison, c'est bien de prendre des mecs à pas cher qui viennent d'Afrique, vous avez raison, on va vous en livrer davantage. Donc tout le monde est content, le fisc est content, les entreprises continuent à tourner, ils n'ont pas à toucher le seuil de taxation, l'extrême gauche est contente, parce que ça va leur faire de nouveaux électeurs. Le patronat est content, ça lui permet de maintenir des marges. Alors qui c'est qui n'est pas content ? Bah, c'est l'autochtone. C'est l'autochtone précaire qui cherche un emploi stable. C'est celui, au contraire, qui est employé, mais dans un secteur où, justement, il n'est pas très spécialisé et où il y a une pression énorme sur les salaires. Où on lui dit, bah, si t'es pas content, la porte est ouverte. C'est le chômeur qui va à la NPE, qui va postuler pour une demande, enfin la NPE au Pôle emploi maintenant, et on lui dit, il postule et il se rend compte qu'il y a, il y a entre 100 et 150 personnes qui postulent pour le même poste. Voilà. Donc, l'imposture est totale, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc, le chômage n'est plus un problème, c'est un non-débat. C'est un non... D'abord, les chiffres sont complètement truqués, et c'est même plus un enjeu. Je veux dire, regardez, on sort des élections présidentielles, ils n'ont même pas fait campagne sur le chômage. C'est un non-sujet. Voilà, le chômage de masse, c'est une donnée, on s'en fout. Ils s'en accommodent très bien, tellement bien que c'est pas les bras qui manquent. Au contraire, ils en veulent toujours plus. Ils veulent toujours plus de bras. Donc c'est bizarre. Ils ont la politique d'immigration d'une économie avec, qui aurait un taux de chômage de 0,5%, qui ne saurait pas où trouver des employés, vous voyez. Sauf que vous avez je ne sais pas combien de chômeurs qui restent sur les bras, et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, là, j'ai été un peu long, mais bah, c'est... Le chômage n'est plus une question sociale. Ça n'est plus une question sociale. Ni à gauche, ni à droite, ils s'en foutent. Maintenant, ils font venir le tiers-monde. Ça résout tous les problèmes. Ça résout les problèmes du patronat, ça satisfait la gauche électoraliste. Tout le monde est content, sauf les autochtones. Enfin, sauf les autochtones qui sont en bas de l'échelle sociale. Voilà ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous voulez préciser quelque chose ou ajouter quelque chose là-dessus, mais... Oui, moi c'était juste par rapport aux résultats décevants des élections, j'ai un autre avis. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il ait gagné légitimement. Il y a eu quand même pas mal d'irrégularités. Par exemple, le score des expatriés et des villes dans lesquelles il y avait des machines à voter, il a fait 85%. Les votes de l'outre-mer, elle a largement gagné. Il y a eu 800 000 votes nuls. Il y a eu pas mal de trucs comme ça, bizarroïdes, comme l'avoir s'empresser alors que il est même pas 20h, elle se dépêche d'appeler Macron pour le féliciter, elle est tout sourire. Moi j'ai vu aussi une vidéo de Vivre sainement qu'on peut retrouver sur Odyssée et qui met bout à bout toute une liste d'irrégularités très très suspectes. Donc c'est juste pour nuancer un petit peu. Moi je suis pas convaincu qu'il ait réellement gagné de manière légitime. Voilà. Ouais, ça c'est vrai que c'est une autre question. C'est ça, c'est par rapport au bon. C'est bien. Bon, je sais pas si on peut s'écarter à ce point. Quelqu'un veut réagir ? Oui, moi j'aurais une petite parenthèse là-dessus, justement, parce que c'est très intéressant, je trouve, ce que dit Dromène, parce que moi, justement, je suis plutôt de l'avis inverse. Moi, je pense qu'il a gagné légalement, mais c'est ça qui est scandaleux, c'est que c'est ceux qui ne bossent pas, ou alors ceux qui bossent... qui bossent un peu moins, si tu vois ce que je veux dire. C'est ceux qui font bosser les autres, c'est les CSP+, voilà, tu vois, c'est ton patron, ton petit patron qui te fait charbonner au quotidien. Et donc, c'est ces gens-là, en fait, ces espèces de parasites, en fait, ou de capots, c'est eux, en fait, qui tiennent le pays, et moi, je trouve ça particulièrement grave. Alors, je ne suis pas du tout un adepte de la démocratie, qu'elle fût athénienne ou sous la Troisième République, mais on est arrivé à un stade où la démocratie est tellement médiocre que c'est ceux qui ne font rien qui choisissent comment diriger le pays. C'est, je veux dire, pour moi, ça devrait être ceux qui travaillent. Les parasites. Voilà, parce que rappelons quand même que, encore une fois, il y a plein de critiques à faire sur la démocratie athénienne, mais les citoyens, c'était ceux qui faisaient le service militaire, ceux qui se saignaient. Alors, il y avait certainement des gens qui trichaient de quelconque manière, notamment en payant pour ne pas partir au service militaire, etc., tout comme sous la Troisième République. Mais enfin, il y a quand même un principe. Il y a un principe qui est tu verseras ton sang pour décider. Or, là, on en est à... Non, tout le monde peut décider, et puis du coup, ça donne une armée de crétins qui... de l'armée de crétins. C'est même pas des crétins, en fait, c'est des gens qui ils agissent dans leurs intérêts, ils savent qu'ils vont bientôt mourir, alors ils veulent jouir. Ils veulent jouir sans fin, donc... bref, en tout cas, c'est ça qui devrait révolter, je pense, le travailleur, parce que... mec, tu travailles et il y en a qui ne travaillent plus, qui ont eu une vie facile, ils ont eu des emprunts faciles, ils ont tout eu dans la vie et c'est eux qui décident aujourd'hui que tu vas raquer jusqu'à je sais pas quel âge. Donc, moi, si vous voulez, c'est ça qui me reste dans l'incompréhension et c'est pour ça que je pense malheureusement qu'il a gagné légitimement, malheureusement. Parenthèse qui me tient énormément à cœur, la démocratie athénienne pratique aussi une discrimination. Sur la moitié de la population, hein. Savoir que c'était les hommes uniquement qui votaient. Voilà. Ça change beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr que les femmes avaient très envie de partir à la guerre. Oui, mais en tous les cas, ce que disait Sobieski, c'est tout à fait vrai. Le travailleur qui, lui, va raquer jusqu'à la fin de sa vie, il devrait être révolté. Et Sobieski dit, moi, je suis dans la compréhension. Et justement, à mon avis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Pierrot, Hydromel, c'est que ces gens-là, on leur dit, attention, tu as un travail, il y a des armées de chômeurs. Si tu commences à ruer dans les brancards, tu risques de te retrouver aussi à aller à la banque alimentaire. Et voilà ce qui fait que tous ces gens-là ont peur, comme disait Pierrot, ils ont peur. C'est-à-dire qu'ils ont, ils sont esclavagisés, pardonnez-moi ce néologisme, mais ils sont rendus esclaves, mais ils sont... gouverné par la peur. Et c'est pour ça que moi, il y avait quelque chose qui m'avait frappé dans les années 90. Et à l'époque, je comprenais pas pourquoi. La télévision, pour peu que je la regardais, je voyais souvent des reportages sur la misère énorme. Je me dis, mais c'est pas normal. C'est normalement un État devrait plutôt faire des reportages, vous savez, un peu à la soviétique, sur la réussite, etc. Et plus tard, j'ai compris. Ces reportages, justement, c'est pour dire aux gens, regardez, il y a vraiment des gens dans la misère aujourd'hui chez nous. Donc vous, qui avez encore un petit quelque chose, estimez-vous heureux. Et j'ai compris pourquoi il y avait à ce moment-là tant de reportages de ce genre pour faire pleurer dans les chaumières, parce que justement, c'était aussi une arme de contrôle. Et c'est vrai, je crois qu'aujourd'hui, le chômage, le RSA, sont des instruments de contrôle extraordinaires. C'est, je dirais, c'est une invention, encore une fois, je le dis, géniale. Bon, géniale dans le mal, hein, mais c'est une invention géniale. Et combien de fois, on en parlait encore ce matin avec un de mes amis, les gens qui disent, oh, vous savez, moi j'avais entendu cette discussion chez Gibergen à Paris, une caissière qui expliquait à une copine qui était là, qui disait, bon ben moi c'est mes derniers jours de boulot. Et la copine lui fait, ah bon, oui, c'est terminé, j'ai pas renouvelé mon contrat, parce que j'ai calculé qu'en étant au RSA, et elle vivait en banlieue, la demoiselle, si j'économise les transports, les repas à l'extérieur, en étant au RSA, j'aurais juste que 200 euros de moins par mois ou 150 euros de moins par mois, mais au moins je serai chez moi, je serai tranquille et puis je bénéficierai des aides qui me permettront de compenser cette perte. J'ai été carrément scandalisé, je veux dire, mais voilà une jeune demoiselle qui était complètement complice, alors qu'elle aurait dû rejeter en disant, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui va rien faire et qui va être payé à ne rien faire. Je veux travailler, je veux avoir une dignité. Non, pas du tout. Elle était très fière, au contraire, de dire, enfin, moi, je me suis débrouillé, je vais avoir le RSA. Donc, il y a une, hélas, pour encore certaines personnes, il y a une complicité. Et puis, pour d'autres, voilà, il y a une résignation par la peur. Et je pense que Pierrot a tout à fait raison, c'est par la peur. On dit, vous avez encore des miettes. Bon, fondamentalement, politiquement, c'est ça le drame de la démocratie, c'est qu'elle organise la guerre civile. C'est un système qui organise, qui structure la guerre civile. D'ailleurs, elle le revendique, puisqu'elle dit, oui, mais vous comprenez, la vertu de la démocratie, c'est de transférer la violence qui est latente dans la société entre différents groupes, de transférer cette violence vers un système de règlement pacifique des contentieux. Bon, c'est bien gentil, mais en pratique, si vous voulez, ça suppose d'abord qu'il puisse y avoir un règlement. Or, c'est ce que j'ai expliqué tous ces derniers mois sur fond d'élections présidentielles en France. J'ai expliqué que pour des raisons fixes, des raisons déterministes, le jeune travailleur blanc ou le travailleur blanc ne peut pas prendre les rênes politiques de la France. Ce sont les parasites, ce sont les coalitions d'intérêts parasitaires qui sont majoritaires en France aujourd'hui. Donc, parasitaires, alors je vais donner un exemple, hein, je parle souvent des boomers, on va dire des retraités. Alors les retraités, on peut les présenter de mille façons, le fait est qu'ils dépendent de l'État pour survivre. D'accord ? Ils ont besoin de leur pension. Et cet état de dépendance les place, si vous voulez, dans un rapport à l'État, à l'autorité, à la classe dirigeante, un état de soumission intégrale pour l'essentiel. Et ces gens-là forment un bloc électoral massif, tellement massif qu'en fait, ils ont un droit de veto, en réalité. Donc, ils ont un droit de veto sur toutes les grandes orientations de la politique en France. Alors, nous sommes dans cette situation où les vieux, numériquement, ont le pouvoir de bloquer le processus politique, s'il ne permet pas aux vieux de toucher ce qu'ils estiment devoir toucher. Mais c'est dramatique, parce qu'un pays, une société, un peuple ne peut se projeter dans l'avenir que par ses enfants, pas par ses vieux. il y a là une inversion délirante et inédite, parce que dans toute l'histoire de France, je parle de la France, mais toute l'histoire des nations occidentales, on a toujours eu un équilibre démographique tel qu'il y avait beaucoup plus de jeunes que de vieux. Et que donc les grands choix de société étaient faits par les nouvelles générations. Donc il y avait constamment une stimulation de la société par ces vagues de générations qui se succédaient, qui voyaient les problèmes sous un angle nouveau, qui se projetaient dans l'avenir. Nous, on a un problème, c'est qu'on est pris en otage par des gens qui se projettent dans le passé. Quand Vincent, dans son travail, parle de la question de l'Holocauste, etc., pour ce qu'il nous dit Vincent, il dit bah, « je consacre beaucoup de temps à cette question, enfin j'ai consacré ma vie à ça, parce que j'ai compris que c'était un tabou absolu et que ça verrouillait en fait toutes les possibilités. » Mais pourquoi ça verrouille toutes les possibilités ? Ben, c'est parce qu'il y a une génération dominante culturellement pour qui l'Holocauste, c'est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que c'est le début et la fin. Et c'est la génération des 68ards, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu la guerre, mais qui en parlent, ils n'en parlent pas matin, midi et soir, mais dès qu'il y a une discussion un peu animée, fatalement, ça va terminer là-dessus. Et ces gens-là se projettent dans le passé. Ils ne regardent pas l'avenir, ils s'en foutent de l'avenir. Quand vous les écoutez parler, d'ailleurs, ils ne s'intéressent pas à ce que vivent les nouvelles générations, ça ne les intéresse pas. Ils vous parlent de leurs problèmes à eux, de leurs obsessions à eux. Et là où j'en termine, là, le problème, c'est que vous ne pouvez pas, électoralement, les dégager. Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez qu'à regarder la pyramide des âges française, vous n'avez qu'à regarder le nombre de retraités, la part du nombre de retraités qui est projetée jusqu'en 2050-2060 en France. C'est catastrophique. Parce que toute la société est bâtie par les boomers et par les retraités d'une part, et ensuite pour les femmes d'autre part. Mais les femmes féministes, elles ne se projettent pas non plus dans l'avenir. Elles ne se posent pas la question « combien d'enfants je vais faire ?» Ce n'est pas ça les questions qu'elles se posent, c'est des questions qu'elles peuvent se poser éventuellement passer 30 ans, 35 ans. Vous voyez ? C'est ça, parce que c'est ça qu'on vit aujourd'hui culturellement. Les femmes aujourd'hui, elles ne sont pas intéressées par bâtir le futur du pays. Vous voyez, elles veulent s'éclater en boîte de nuit, elles veulent rencontrer des mecs, elles veulent plein de trucs, vous voyez. Donc on a un problème, c'est qu'on est tenu en otage par des vieux obsédés par le passé, qui sont 17 millions et qui bloquent toutes les élections, et on a des femmes qui ont la charge de produire biologiquement la continuité du pays, et qui sont précisément en révolte contre l'idée de reproduire biologiquement le pays. Et quand vous voyez les questions d'avortement, ça, c'est exactement de ce dont il s'agit, vous les voyez réagir hystériquement. Donc, comment vous faites dans ces conditions-là ? Bah, normalement, il devrait y avoir une réaction masculine des hommes, une réaction masculine, c'est-à-dire des hommes concernés, qui disent, attendez, nous, on va remettre de l'ordre, là, parce que autant les vieilles sangsues, là, et les nanas, ça ne va pas, on va remettre l'église au milieu du village, et on va réordonner tout ça. Or, on ne voit pas ce réveil. On ne voit pas de réflexe dans la population masculine blanche en France de véritable révolte. Alors que tout dépend de leur exploitation. C'est ça qui m'interpelle le plus. C'est que tout le système dépend de sa capacité à exploiter les classes productives blanches. C'est-à-dire, en gros, l'homme blanc qui travaille et qui a moins de 60 ans. En gros, c'est ça. Tout dépend de ça. Donc, c'est lui la vache à lait, c'est lui qu'on exploite, c'est lui qu'on rackette, c'est lui qu'on intimide, c'est lui qu'on insulte en permanence. Enfin, c'est lui la cible. C'est clair. Et il n'y a pas de révolte. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. C'est ça que je ne comprends pas. Moi, personnellement... Oui, vas-y, Hydrovel, je t'en prie. Pardon, j'allais dire, il y a des groupes qui... Autrefois, il y avait les identitaires qui ont été dissous. Il y a eu comme ça plusieurs groupes blancs qui ont été dissous. Et du coup, comment dire... Et ils ont été mis dans le même sac, En fait, c'est au nom de la loi anti-séparatisme, ces identitaires ou tous ceux qui veulent sauver le peuple blanc en France sont mis dans le même sac que les terroristes djihadistes au nom de la loi contre le séparatisme. Donc, quand bien même il y en a qui voudraient faire quelque chose, tout de suite, ils seraient la cible du gouvernement pour leur dissolution. Il y a cette histoire aussi. Oui, c'est vrai, l'esclave n'a pas le droit de s'émanciper, parce que moi, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, l'homme blanc en âge de travailler, donc le travailleur blanc, est réduit en esclavage, quand il cherche à s'autonomiser, c'est-à-dire à travailler par lui-même, pour lui-même, là, la police de ce système parasitaire le cible et le détruit. Et c'est pas présenté comme ça, d'ailleurs, dans les masses. Hein. On dit, oui, mais c'est l'extrême droite, ils sont racistes. Non, mais c'est pas la question. C'est que ce sont des hommes blancs, travailleurs, qui sont la puissance de travail sans lequel il ne peut pas y avoir toute cette société, parce que c'est lui qui fournit l'énergie et qui produit. En fait, on ne veut pas qu'il s'émancipe. On ne veut pas qu'il s'émancipe. C'est ça, toute l'histoire de la répression de l'extrême droite, c'est que ce qu'ils appellent l'extrême droite, en fait, ce qu'ils appellent l'extrême droite, c'est simplement la partie consciente de la partie... Enfin, autant pour moi pour la redondance. Donc, c'est la partie consciente de la population masculine blanche qui se révolte contre l'oppression qu'elle subit objectivement. Et évidemment, le système n'entend pas lui laisser les coudées franches. Voilà, c'est ça. C'est les parasites vont s'assurer que le parasitisme puisse continuer. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a cette intimidation permanente. C'est un fait. Et que prolongent les tribunaux, et bien évidemment les médias, ou les ligues politiques comme la LICRA et autres. Voilà. Mais c'est vraiment ça, c'est la politique de parasitisme pur. Mais je reste quand même, parce que même s'il y a de la répression, je reste quand même sidéré par le manque d'envie de se révolter, parce que au bout d'un moment, là, on parle quand même de leur avenir pur et simple, hein, je veux dire... Ben c'est là que je veux rebondir sur ce que tu dis, tout à fait. Et je pense que, quand tu dis, c'est sidérant que la répression ne fait pas tout. Quand une révolution va arriver, la répression n'y peut rien. L'histoire le démontre, les grandes révolutions ont toujours triomphé de manœuvres répressives de l'État. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand les révoltés sont suffisamment révoltés, c'est pas les tribunaux qui vont les faire reculer. Donc, la surprise que tu as face à cette sidération, c'est que je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ces blancs travailleurs courageux, respectables, malgré tout, n'ont pas de vision nationale. Ça a été complètement éradiqué depuis 1945 et n'ont pas de vision, je dirais, supérieur de l'homme. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils sont courageux, ils sont honnêtes, très généralement, hein, mais ce sont des gens qui, quand vous les interrogez, vous leur dites « Mais en fait, c'est quoi votre vie ?»« Ben, ma vie, c'est de pouvoir la vivre bien et d'assurer à mes enfants un avenir décent. » Et vous remarquerez qu'il n'y a absolument pas de vision supérieure, de vision du bien commun, de vision de la France, etc. Et c'est ce qui fait, à mon avis, hein, c'est mon analyse, je peux me tromper, mais encore une fois, je commence à être vieux maintenant et j'ai bien réfléchi à tout ça, c'est ce qui fait que ces gens, eh bien, tant qu'ils peuvent tirer un tout petit peu leur marron du feu, un tout petit peu, bien qu'ils soient esclaves, bien qu'ils puissent rien dire, tant qu'ils peuvent tirer un tout petit peu leur marron du feu, comme ils n'ont pas de vision vraiment supérieure, ils disent « bon ben, oh, écoutez, malgré tout, je m'en sors. » Difficilement, hein, mais je m'en sors. Et voilà ce qui, pour moi, explique ta surprise face à cette absence de réaction de cette classe blanche, travailleuse, qui normalement devrait avoir une puissance de feu énorme et qui ne l'a plus. Parce qu'il n'y a pas de vision globale. On a perdu cette vision-là. Et à mon avis, ce sera par là que viendra la crise définitive qui nous libérera. Donc pour moi, cette absence de vision ne me désespère pas, en fait. Je ne plus maintenant. Je pense que c'est ça qui va amener la crise finale. C'est pas une crise écologique, c'est pas une crise sanitaire, ce sera cette crise-là. Bon, mais ça, il faudrait développer un peu, c'est peut-être pas le moment. Moi, je voulais rajouter un truc, c'est qu'il y a... Comment dire ? Tu sais, tu disais, bon, tant que le système, finalement, permet aux gens de subsister, c'est-à-dire, en fait, tant que les caddies sont pleins, tant que les supermarchés sont pleins, tant qu'il y a des divertissements offerts à bas coût, alors on cite souvent Netflix ou autre, hein, je veux dire, voilà, jeux vidéo, bon, peu importe, hein, la liste des hobbies est interminable. Bien, finalement, il y a pas de raison, on peut comme ça, j'allais dire, anesthésier le peuple. T'as raison. Mais il y a quand même autre chose, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une projection dans l'avenir, donc j'ai bien dit, hein, les vieux culturellement nous écrasent numériquement, enfin ils nous écrasent démographiquement en raison de leur nombre, donc ils nous écrasent culturellement avec les représentations héritées de 45 et de 68. Il y a les femmes, sous l'effet du féminisme 68-art et puis ses évolutions, qui font qu'elles ne se projettent pas du tout dans l'avenir en tant que mères, mais elles veulent simplement s'éclater, c'est-à-dire que soit elles veulent s'éclater avec des gars de passage, soit elles veulent s'éclater, c'est-à-dire réussir leur carrière ou je ne sais pas quoi, mais pas du tout se réussir en tant que femme, c'est-à-dire en devenant mère, parce que c'est ça en fait, hein, la vocation d'une femme, c'est d'être une mère, hein. Faut pas raconter n'importe quoi, elle est biologiquement conditionnée par ça, absolument. Et là-dessus, en fait, les hommes, ça peut expliquer une partie de leur apathie actuelle, c'est que par le système féministe, où en fait le patriarcat a été démantelé, où les hommes sont privés de leurs enfants, parce que c'est ça qui se passe, hein, quand il y a une séparation, l'homme n'a plus son mot à dire sur l'éducation des enfants. Eh bien, vous avez, quand vous regardez le nombre de divorces ou le taux de célibat, vous vous rendez compte qu'il y a une part très importante de la population masculine française, je vais m'intéresser que à la population de souche, là, si vous voulez, qui n'a aucune raison objective de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ont part de part dans le business. Parce qu'on se mouille pour quelque chose dans lequel on se projette, d'accord ? Donc si on a des enfants, on peut vouloir les protéger. Oui, mais si on n'en a pas l'éducation, si ces gamins, on les voit une fois tous les 15 jours, bon, son rapport à ses enfants, même si on tient à ses enfants, c'est quand même un rapport qui est très, très, très, très abstrait. Il est quand même très abstrait, par la force des choses. Je ne dis pas que c'est un choix, c'est imposé généralement par les institutions. Enfin, du coup, on a un rapport à la paternité qui est complètement différent. Du coup, les pères, ils se sentent dévalorisés. Ils se sentent complètement dévalorisés. Ils n'y ont plus de raison de consacrer énormément d'efforts parce qu'on leur fait bien comprendre qu'ils sont la cinquième roue du carrosse. Parce que, avec le jeu des pensions, de l'assistanat, etc., ben on leur dit oui, bon, ouais, vous êtes là, vous n'êtes pas là, c'est la même chose. Bah, le démantèlement du patriarcat, le démantèlement du rôle du père de famille, fait que bah, un homme blanc aujourd'hui en France, il n'a pas d'incitation particulière à réfléchir à ce qui pourrait se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et du coup, à avoir une approche collective des problèmes, c'est-à-dire à dire, voilà, nous collectivement, où en sommes-nous ? Bah, il dit, bah non, voilà, bon, on n'a pas besoin de moi, bon, bah, très bien, voilà. Voilà, je suis séparé d'avec mon ex, elle a la garde des gosses, bon voilà, j'ai une nana ici de temps en temps, ou là, bon oui, d'accord, j'ai un boulot, j'essaye de bricoler, etc. Mais dans ces circonstances-là, comment voulez-vous vous projeter dans un cadre par définition collective comme une nation ? Vous pouvez pas faire une nation avec une somme d'atomes complètement déracinés. Ça peut pas fonctionner comme ça. Si les gens sont pas enracinés dans une cellule familiale pour commencer, comment voulez-vous qu'ils s'enracinent dans une nation ? Ça peut pas fonctionner, c'est impossible. Donc, je crois que ça explique une partie de la démission actuelle des hommes blancs. Je pense que c'est une partie de l'explication. Il y a un des éléments de l'équation qui réside dans ça. À mon sens, hein. À mon sens. Non, et je pense que tu as raison, que c'est une partie de l'équation. Une partie seulement, mais une partie qui est importante et qui ne peut pas minimiser. Hein, c'est évident. C'est évident qu'il y a une destruction du patriarcat. Ça a été très bien analysé par Tony Anatrella. C'est un des auteurs préférés, mais c'est un prêtre psychanalyste. Hein. Bon, alors, on ne peut pas être d'accord avec sa foi et on ne peut pas être d'accord avec tout sur la psychanalyse, peut-être. N'empêche qu'il a des analyses, comment il analyse la destruction du patriarcat à partir de 1945. D'ailleurs, il parle bien d'une dérive qui a commencé en 1945, alors qu'il n'est pas du tout, il est très anti-nazi, hein, il n'est pas du tout de l'autre côté. Hein, mais face à ses constats objectifs, il est obligé de dire voilà, qu'il y a eu une destruction du patriarcat par en effet une revendication féministe de plus en plus grande. Alors, quand tu dis qu'en effet les femmes veulent s'éclater, ça c'est vrai. C'est vrai, je pense que c'est un fait social évident, mais il y a aussi la même chose du côté des hommes. Comme je disais des fois, quand on n'est plus qu'à se vouloir se, pardonnez-moi ma vulgarité, mais quand la vie, ça se résume à se remplir les fouilles et se vider les couilles, bon bah, on peut plus faire partie d'une nation. On n'est plus que des atomes, là, ici, et après moi le déluge. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision du futur. Parce que déjà, il n'y a pas de vision du futur de soi-même. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans une société où l'image de l'homme, c'est une simple machine biologique. Nous sommes des machines biologiques faites de tissus vivants, mais nous sommes en fait des robots. Nous n'avons pas de libre arbitre. Tout ce que nous sommes, tout ce qui est notre conscience, notre intelligence, ce n'est qu'une somme d'influx chimiques dans le cerveau. En fait, on n'a pas de libre arbitre, on est commandé par notre cerveau. Et quand le cerveau va s'arrêter de fonctionner, tout va être terminé. À partir de là, à partir du moment où vous avez de vous l'image d'une simple machine biologique qui, lorsqu'elle sera morte, aura complètement disparu, n'aura plus rien, il est extrêmement délicat de vouloir se projeter dans l'avenir. Alors, on peut trouver quelques succès d'années en disant « Oui, mais quand même, je me projette pour mes enfants. » Ouais, mais ça tient pas, au bout d'un moment, et ça, Tony Anatrella le démontre parfaitement bien, qu'au bout d'un moment, si on n'a pas une vision supérieure de l'homme, si on a cette vision mécaniciste de l'homme, eh ben, ça donne une société, comme tu disais très bien, atomisée, et avec des gens qui peuvent absolument pas s'inscrire ni dans une histoire, ni dans une nation, ni dans un territoire. Et voilà, pour moi aussi, une partie de l'équation qui fait qu'il y a cette apathie générale. Ça vient de l'image de l'homme qui est triomphant depuis le siècle des Lumières. Et ça, c'était une catastrophe, à mon avis. Il y a un très bon mot pour qualifier justement la vision sur le long terme, enfin, une grande vision du monde et que les gens n'ont plus. C'est le mot allemand « Weltanschauung ». Et je pense que tout le monde devrait se pencher sur cette question-là. Parce que même chez nous, il y a des gens qui approchent un début de vérité spirituelle, je dirais. Mais il manque encore ce petit truc pour que vous ayez une vision sur le long terme. Donc, pensez-y. Je suis tout à fait d'accord avec toi, celui-ci. Oui, d'ailleurs, on entend souvent parler d'idéologie. Il n'y avait pas d'idéologie hein, dans le régime national-socialiste. Il y avait une vision du monde. C'est très différent, hein. Le terme d'idéologie n'était pas employé par les national-socialistes. Hein. C'était le terme de vision du monde. On a une vision du monde. Et avec ça, un rapport au monde. C'est ça, une image de l'homme qui fait un rapport au monde, etc. Et c'est pour ça que le national-socialisme, il devait être complètement éradiqué, totalement. Parce que nos adversaires avaient bien vu qu'il y avait une dimension, dans le national-socialisme, il y avait une dimension spirituelle, qui était des fois peut-être un peu confuse. Un peu incomprise même, mais il y avait cette dimension, il y avait cette vision du monde totalement différente. Et c'est exactement ce qu'a écrit le collaborateur Martin Debrier dans sa revue Le Lien, c'était la revue des gens qui partaient sur le front de l'Est. Et il avait dit, mais si cette guerre était une guerre traditionnelle, une guerre entre nations, bah, seuls les traîtres ou les fous seraient du côté de l'Allemagne pour la France. Pardon, du côté de l'Allemagne et contre la France, il parlait pour les Français, hein. Seuls les Français traîtres ou fous serait pour l'Allemagne et contre la France. Mais il disait, mais non, c'est parce que cette guerre, ce n'est pas une guerre entre les nations, C'est une guerre entre deux visions du monde totalement inconciliables. Et il disait, il concluait son article en disant, c'est pour ça que les Français se déchirent entre eux. Il avait parfaitement compris. Pour moi, c'était l'un des collaborateurs les plus intelligents. D'ailleurs, il a survécu. Il a été condamné à mort, mais il a été gracié. Il a survécu. Martin Debrié. Il avait parfaitement compris que cette guerre était une guerre spirituelle. Il y avait deux visions du monde qui s'opposaient, et dans le national-socialisme, c'est pour ça que je suis national-socialiste, il y a cette vision du monde qui, encore une fois, je vous le dis, elle peut être des fois un peu confuse, mais il y avait au moins un embryon de renouveau spirituel qu'il n'y a absolument plus aujourd'hui. Bah, c'est une fracture qui existe de toute façon dans toutes les sociétés occidentales, mais en tout cas, on va s'arrêter à la France, mais depuis la Révolution française, en fait. Depuis la Révolution française, il y a une fracture qui mène à la guerre civile, qui éclate tout de suite, parce que la Révolution française, bon, elle démarre en 1789, bon, il y a déjà les premiers, bon, très vite, des premiers excès de violence, mais dès que la République est proclamée, tout, immédiatement, les massacres de septembre en 92, tout de suite, on est dans l'affrontement entre Français, c'est-à-dire que les Français s'entretuent. Oui, parce que c'est ça, il y a une fracture spirituelle, fracture intellectuelle, spirituelle, et ça fait des guerres civiles. Absolument. Et ça va structurer tout le ce qu'on va appeler plus tard la droite, la gauche. Ça viendra plus tard, mais aujourd'hui c'est même plus. Vous savez, j'ai touché ça du doigt en disant que donc pendant deux siècles, il y avait. Bon, c'est ce que tu avais dit. Hein, il y a ceux qui croient à l'ordre naturel et ceux qui n'y croient pas. Ce qui s'est plus ou moins recoupé entre les gens qui étaient de droite, partisans d'un ordre traditionnel, alors catholique, chrétien, vaguement chrétien, bon, peu importe, monarchiste, organique, dira-t-on, et puis de l'autre, une vision constructiviste de gauche, où on peut complètement refaçonner l'ordre social comme bon nous semble, pour faire correspondre la réalité à l'utopie sur laquelle on se met d'accord, l'utopie égalitaire. Donc, bon. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un renversement, c'est ce que j'avais dit, il y a un renversement, maintenant la gauche devient religieuse au sens monothéiste du terme, elle se rallie aux musulmans, et la droite, au contraire, sombre totalement dans une espèce d'anomie revendiquée, de relativisme revendiqué, où tout vaut tout, moi je suis frappé de voir ça à droite, c'est-à-dire que si vous voulez, maintenant, simplement pour essayer de marquer des points contre l'islam, donc pendant très longtemps, la gauche était une valeur négative, c'est-à-dire qu'en fait, elle contestait systématiquement ce que proposait l'Église catholique, mais c'était toujours comme formule de destruction. Et je trouve que dans la droite, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils disent, le voile, quelle horreur, ou je ne sais quoi, tous les us et coutumes des musulmans. Mais c'est une chose, mais moi, je ne vois pas ce qu'ils proposent. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Gandalf. C'est ça. C'est qu'à force de se focaliser sur un ennemi, on en vient, pour le combattre, à devenir nihiliste. Et comme l'islam, qu'on le veuille ou pas, représente un certain ordre, moi qui ne m'attire pas du tout, c'est pas ça le problème, mais comme l'islam représente un certain ordre, on en vient, comme tu dis, à adopter au sein de la droite des positions intellectuelles qui sont complètement faites de gauche. C'est ça, tout est relatif, etc., surtout pas d'ordre, surtout pas de voile, etc. Je dis pas que le voile n'est pas un problème, mais je dirais que c'est, il faut pas jeter bébé avec l'eau du bain, comme on dit, le problème, c'est qu'à force de se focaliser sur l'ennemi, on en vient soi-même nihiliste. Alors, c'est pas ça. Face à l'islam, il faut proposer un projet de société meilleur et ne pas proposer, comme fait Marine Le Pen, un laïcisme intégral. C'est pas une solution, ça. À partir du moment où vous ne proposez rien, parce que le laïcisme, c'est rien, en fait, c'est une formule de destruction. À partir du moment où, pour vous opposer à un ordre que vous refusez, l'islam, vous lui opposez qu'un nihilisme, mais la nature elle a horreur du vide, donc l'islam progresse, vous ne pouvez pas. Il faut proposer quelque chose de meilleur, et c'est ce que disait le national-socialiste canadien André Arcan, on ne combattra une idée qu'en lui proposant une idée meilleure, pas en combattant l'idée en elle-même, ça sert à rien, il ne faut pas s'arrêter à ça. Ah oui, parce que le problème, c'est que l'islam, c'est une vision du monde, c'est une Weltanschauung. Tout à fait. Alors que ce qu'on disait, les, je ne sais pas moi, le laïcisme, etc. Tout ça, c'est des idéologies. Et en fait, toutes ces idéologies sont soumises à ce que je crois que c'était René Raymond appelé le sinistrim. C'était en gros une idée, va de gauche à droite, ça n'arrête pas de changer. Regardez, par exemple, la position sur l'esclavagisme noir, enfin, sur la question noire aux États-Unis, si vous voulez, nègre. Et bah, les démocrates, c'était ceux sous le temps de Abraham Lincoln qui étaient en faveur du maintien de je ne sais pas comment appeler l'esclavage, mais j'aime pas ce mot parce que c'est ça prête beaucoup à confusion. Et aujourd'hui, c'est eux qui remuent ciel et terre pour les nègres. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, tout ça pour dire que la vision du monde, c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui reste dans le temps, alors que les idéologies, ça va d'un côté, d'un autre, ça ne, enfin globalement. Donc c'est le problème, c'est que plus personne ne pense en vision du monde et comme disait Gandalf, ils ont tué pendant la Révolution française et aujourd'hui ils le feront comme ils ont fait aux Vendéens. Voilà. Alors, moi je pense qu'il y a quand même un rapport très religieux des égalitaristes et des démocrates d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on a quand même des démocrates qui ils croient à la mystique démocratique. Vous voyez, avec l'affaire ukrainienne, c'est flagrant. Je veux dire, tous les arguments de Vladimir Poutine ou des Russes sont balayés d'un revers de main. C'est-à-dire qu'il est entendu parce que l'Ukraine est ou serait une démocratie, vous en faites ce que vous voulez, parce qu'en fait, on sait que c'est un État complètement corrompu, ou, je veux dire, c'est pas la démocratie exemplaire qu'on vend en masse. Hein, je veux dire, c'est un système, comme toutes les autres démocraties d'ailleurs, qui est complètement corrompu, etc. Mais on dit, ouais, par principe, c'est une démocratie, donc elle a raison sur tout. Et personne ne s'intéresse, alors que Zelensky, donc le président juif de l'Ukraine, a fait interdire tous les partis d'opposition, y compris des partis quand même assez importants, qui étaient réputés pro-russes, de la même manière, toute une série de journaux qui plus ou moins le critiquaient, ça, il les a interdits, etc. Enfin bon, lui-même, si vous voulez, a une conception très particulière hein, de la diversité d'opinion, tout ça, bon, il s'en arrange. On ne lui en fait pas du tout le reproche. Et inversement, Poutine, on le diabolise, et la Russie, on la diabolise, et peu importe les arguments. Pourquoi ? Ce n'est pas une démocratie, nous dit-on. Bon. Pourtant, il y a des élections, il me semble que Poutine a quand même été élu. Alors on peut me dire qu'on truque les élections aussi en Russie, ce que je veux bien croire sans problème, mais enfin, je pense qu'il est élu parfaitement légalement et légitimement, Poutine, en Russie, hein, pour autant que je sache. On fait comme si ça n'existait pas. Donc vous voyez, donc il y a quand même une mystique démocratique qui commande la réalité, si vous voulez. Ils sont quand même très religieux. Ils sont quand même très très religieux. Il y a des pics de fièvre d'ailleurs religieuse chez les démocrates et ils n'adorent rien tant qu'une croisade. Ça c'est et puis c'est cyclique quoi. Hein. C'est comme le palu quoi. C'est-à-dire que, bon, hop, un coup l'Afghanistan, ça marche pas. Bon, voilà, vous avez l'impression qu'ils en ont pris pour 10 ans, là, à rester chez eux et à se taire. Pas du tout. 6 mois plus tard, ils sont repartis. C'est-à-dire que tout le monde oublie l'Afghanistan. Tout le monde oublie que la démocratie américaine et occidentale, l'OTAN, ont été défaits en Afghanistan l'été dernier, au mois d'août 2021. Tout le monde a oublié ça. On est en train d'essayer de défendre, au risque d'une guerre nucléaire, la démocratie en Ukraine. Bon, j'ai... Vous regardez le curseur démocratique se déplacer comme ça sur la map monde, l'opinion publique prise en otage par les grands médias suit le curseur et est sommée de s'enthousiasmer, ce qu'elle fait d'ailleurs de bon cœur en général, pour la nouvelle croisade du moment. Vous voyez ? C'est vraiment, ça suit quand même un fil de fièvre religieuse qui moi, me... Bon, me laisse pas. Moi, je dirais que c'est une contre-religion, pas une religion, mais c'est vrai, mais c'est un petit détail. Oui, c'est vrai, je dirais la même chose que Vincent, c'est plus une contre-religion, une vision de non-vision, parce que ces gens-là, la démocratie, ils s'assoient dessus sans problème. Hein. Je veux dire, en ce moment, ils sont quand même en train de nous faire la promotion d'un. Attention, un modèle à la chinoise. Mais sans la vision du chinois, si vous voulez. C'est-à-dire que le chinois, il a l'avantage de... On lui garantit un travail et une survie ethnique. Le français, non. Ah bah, le français, mais on est radique, donc c'est voilà, plus simple. Soyez contents, vous serez fliqués, vous serez contrôlés. Et pour la démocratie. Tu vois, c'est cette espèce d'invocation religieuse, d'une espèce de totem, et c'est censé te satisfaire, quoi. Tu vois, tu dis, toi, tu dis, ouais, mais attendez, votre truc, là, c'est quand même. Ça viole tous mes droits. Mais non, c'est la démocratie. Tu vois, ça n'a. Mais non, ça les protège, vos droits, en fait. Mais voilà, non, mais il retourne le truc. C'est là qu'on rentre dans la pensée magique. C'est-à-dire qu'en fait, il se dispense d'argumenter en invoquant la démocratie quand toi, tu leur dis, attendez, là, vous êtes en train d'essayer de me rouler dans la farine. Là, vous essayez de me nuire. Et eux, ils invoquent, et c'est exactement ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire que quand Poutine arrive avec toute une série d'arguments à caractère stratégique, sécuritaire, auquel on peut souscrire ou ne pas souscrire. Enfin, il a un raisonnement stratégique qu'il présente d'ailleurs dans des documents envoyés aux médias et aux diplomatie internationale. Et la seule réponse est vous êtes un ennemi de la démocratie. Donc il renvoie les paperasses. C'est, d'ailleurs, les Américains, c'est ce qu'ils ont dit quand il avait en décembre dernier, quand Poutine. Donc c'était avant l'invasion. Il a dit, voilà, je soumets nos demandes dans un document qui sera adressé à l'OTAN et aux États-Unis d'Amérique. Nous attendons la réponse des Américains. Les Américains, avant même de l'avoir reçu, ont dit, oui, nous en accuserons réception, mais nous ne répondrons à aucune demande. Parce que la démocratie... C'est exactement ce qu'ils ont fait avec Hitler. Hein. Ouais, voilà, la démocratie, donc nous sommes dispensés de répondre aux questions, aux argumentaires, etc. Voilà. C'est ça. Donc on a affaire à des gens qui sont religieux, en plus d'être des hypocrites, parce qu'en plus, enfin, je veux dire, ils sont quand même très pragmatiques en ce sens qu'ils ne perdent pas de vue leurs intérêts politiques, économiques, financiers, c'est tout à fait certain. Mais je veux dire, par l'excuse démocratique, ils peuvent vraiment botter en touche et ne pas répondre. Et les gens sont d'accord. C'est ça qui est extraordinaire avec le pouvoir du totem démocratique. C'est-à-dire que là où vous diriez la même chose, vous refuseriez de répondre sur le fond en invoquant je ne sais quoi. Non, nous sommes une monarchie de droit divin, on n'a pas à répondre. Les gens diraient, attendez, vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement. Et bien avec la démocratie, ça marche. C'est-à-dire que vous dites, ben non, nous, on n'a pas à répondre, nous sommes des démocraties. Les gens disent, ben oui, c'est vrai, on n'a pas à répondre, nous sommes des démocraties, et pas les autres. Parce que dans l'esprit des gens, la démocratie est le garant de leurs libertés individuelles. Et ils sont très attachés à leurs libertés individuelles, précisément parce qu'ils n'ont aucune vision d'avenir. Ils n'ont aucune vision spirituelle de l'homme. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est... la jouissance minimum, comme disait, je crois, tout à l'heure, Sobieski ou Pierrot ou Hidromel, je ne sais plus, mais enfin, avec lesquels j'étais entièrement d'accord, ils veulent une jouissance immédiate. Or, dans leur esprit, je ne dis pas que c'est vrai, hein, la démocratie est le garant des libertés individuelles. Et ça, c'est l'alpha et l'oméga, et c'est pour ça qu'au nom de la démocratie, tout est accepté, et tous les échecs, comme tu disais, sont oubliés. Ah, c'est absolument extraordinaire de voir comment ils nous ressortent les mêmes propagandes, des fois à quelques mois d'intervalle, et les gens regobent. Mais parce qu'en fait, au fond de même, voilà, les gens disent « Mais non, mais c'est pour la démocratie, et c'est ce qui va assurer ma liberté. » Alors qu'avec l'extrême droite, ça risque d'être le chaos. Mais quand les gens disent le chaos, ça veut dire en fait, mes libertés individuelles risquent d'être touchées. Et voilà pourquoi il y a les retraités qui sont là, les boomers, tout ça, c'est des histoires de libertés individuelles, les féministes, ne touchez pas à l'avortement, ne touchez pas à mes droits, etc., etc., etc. Et voilà ce qui fait cette force, c'est que la démocratie a réussi à se présenter comme le garant de vos libertés. Nous allons assurer vos libertés, quitte à interdire plein de choses. Mais si nous interdisons des choses, c'est pour assurer vos libertés et votre sécurité. Si nous interdisons que des gens qui ne sont pas vaccinés aillent au restaurant, c'est pour que vous, les bons vaccinés, les bons démocrates puissiez aller au restaurant en étant en toute sécurité. Et au nom de la sécurité et du principe de précaution, on roule les gens dans la farine, comme disait Gandalf, mais on les roule en disant non, mais attendez, on vous retire quelques libertés ici, mais c'est pour en assurer beaucoup plus de vos libertés individuelles. Et ce discours est dévastateur auprès de plein de gens. C'est ça qui est catastrophique. C'est que les gens n'ont absolument plus aucune notion de l'intérêt supérieur, et comme ils ont qu'une notion de leurs intérêts personnels, plus on interdit les choses, plus on censure, plus etc. Et plus les gens disent, ouais, mais ça protège mes libertés, au final. Oui, c'est, et voilà, c'est, et le tour est joué. Oui, c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On nous explique, c'est ça la directive qui a été votée là sur la question du contrôle en temps réel par intelligence artificielle des réseaux sociaux en Europe et de l'Internet en général, annoncé par le commissaire Thierry Breton, où on explique, c'est dans la présentation officielle hein, de la Commission européenne de la directive, ils disent c'est une grande avancée, donc la censure en temps réel des réseaux sociaux et de l'Internet en Europe, c'est une grande avancée pour la liberté d'expression. Tel quel, hein. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Ah, ok. Ah oui, Taisez-vous, on vous censure, mais c'est pour la liberté d'expression. Ah oui, c'est pour assurer que tout le monde puisse s'exprimer de façon correcte. Donc, tout le monde pourra s'exprimer s'il s'exprime de façon correcte. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit que la démocratie et les droits de l'homme, c'est un parc fermé. C'est un parc fermé où on vous dit, tant que vous êtes correct, vous avez le droit de tout faire. Vous avez le droit de pas faire grand-chose, mais au moins, et donc, en assurant la censure des mauvais penseurs, on assure la liberté d'expression de ceux qui pensent bien, c'est-à-dire, en gros, qui n'ont rien à dire. Voilà. Bien sûr. Alors, et d'ailleurs, en imaginant que plus tard, Elon Musk rachète vraiment Twitter, décide de faire de Twitter un espace d'expression, on va dire, libre, voilà, libre, que ça ne plaise pas à la Commission européenne qui d'un coup décide de finalement fermer Twitter, puis ils en parlent, ils disent oui, on va fermer Twitter, et ben, il est possible que l'utilisateur moyen, le citoyen européen qui utilisait Twitter, gueule en disant « c'est à cause de ces fachos d'extrême droite que j'ai plus accès à Twitter voilà. ». Oui, bien sûr, tout à fait. Enfin, c'est toujours la même chose. Moralité, on a étendu la chutzpa un peu partout. Il n'y a pas que nos amis nécrochus qui peuvent user de ce... Non, bah, les juifs voilà. n'ont pas inventé le sophisme, hein, je veux dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont bien diffusé. Oui, ils l'ont exploité, non, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, on a une société qui a intégré ce concept. Alors que ça, sous l'Ancien Régime et sous les sociétés antiques, c'était impensable. Et ceux qui approuvent la censure des réseaux sociaux en ce moment, c'est les mêmes qui, il y a 3 ans, se plaignaient de la censure en Chine. Ah non, mais c'est les mêmes. Je vous invite à suivre un journaliste qui s'appelle Jean Quatremer, qui est un fédéraliste européen. C'est-à-dire que c'est un journaliste de gauche, belge, pro-fédéralisme européen. C'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un qui voudrait créer une grande Europe libérale, LGBT... États-Unis d'Europe, quoi. Non, mais LGBT-obine, truc, machin. Et alors, je voyais une réaction récente, là, mais il y a quelques heures, sur Twitter, une de ces réactions, il disait, donc il mettait une capture d'écran d'un signalement qu'il avait fait sur un compte Twitter, et il y a un compte Twitter qui avait été suspendu, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dû lui répondre, je ne sais quoi, dans ses commentaires, suite à un de ses tweets. Et alors, il disait, somme toute, quand même, petit à petit, année après année, les complotistes, les racistes, les antisémites, les homophobes sont progressivement écartés de la plateforme qui devient enfin un peu respirable. C'est-à-dire qu'en fait... dans la tête de quelqu'un comme Jean Quatremer, c'est un journaliste vraiment mais représentatif, si vous voulez, de l'idéologue progressiste. Si vous voulez. La société parfaite et la liberté d'expression bien comprise, c'est quand tout le monde s'exprime comme lui. Tous les autres doivent être écartés de l'espace de discussion. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et Jean Quatremer, il écrit des papiers dans les grands titres de la presse française, de la presse belge. C'est pas un marginal ou un inconnu. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est, c'est une forme radicalisée de macroniste. Alors lui, il dirait non, certainement pas. Moi, j'ai rien à voir avec Macron. Il est trop de droite, si vous voulez. C'est pour vous dire à quel point. Mais c'est ça. Et pour eux, c'est clair. Je veux dire, en fait, si vous n'êtes pas d'extrême gauche avec des gens comme ça, hein. Si vous n'êtes pas de centre gauche, acquis au féminisme, aligné sur toute la doxa ambiante, sur tous les sujets, immigration, multiculturalisme, vaccination, si vous n'êtes pas, vous êtes quelqu'un à faire taire. C'est tout. Voilà. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui se revendiquent des droits de l'homme. Or, ils disent, tous ceux qui ne pensent pas comme nous, et surtout qui pensent de façon fascisante, entre guillemets, sont des monstres. Vous êtes des monstres. Alors, soit vous l'êtes directement, soit vous l'êtes potentiellement. Vous êtes des monstres. Donc, vous n'êtes pas humain. Donc, au nom de quoi pouvez-vous revendiquer les droits de l'homme ? Puisque vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des monstres. Et c'est toute leur logique qui découle de ça. Ils séparent l'humanité entre les hommes, c'est-à-dire ceux qui pensent bien, qui sont, voilà, de centre-gauche. Hein. Ça, c'est la neutralité, d'ailleurs, dans l'éducation nationale, c'est d'être de centre-gauche. Et puis, tous les autres, ce sont des monstres. Donc, pas des hommes. Ben, donc, c'est pas de droits de l'homme. C'est ça, on retrouve ça dans l'abrahamisme d'une manière générale. Je veux dire, que ce soit chez les juifs, dans le christianisme, mais encore plus dans l'islam. C'est-à-dire qu'il y a le monde des gens qui sont convertis, qui ont accès au salut, et puis il y a les autres. Il y a une dichotomie très claire. Et moi, je trouve que la démocratie actuelle, c'est simplement une forme sécularisée de monothéisme abrahamique. Hein. Je suis désolé. Il y a de ça, c'est évident. Il y a un fond, hein, mais je suis désolé. Hein. Donc c'est très simple. Hein, je veux dire, donc en dehors de l'Église, point de salut, disait-on jadis. Bon, bah, avec eux, c'est en dehors de la démocratie et des droits de l'homme, point de salut. C'est clair. Voilà, avec nous ou contre nous. Socialisme ou barbarie. Ouais, aussi, voilà. Après, faut pas être hypocrite non plus. Et moi, par exemple, j'ai jamais prôné. Je suis pas un partisan de liberté d'expression. Alors, je vais m'expliquer par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'heure actuelle, je considère qu'il faut davantage de liberté d'expression parce qu'on peut tellement rien dire que de toute manière, c'est. Mais je suis pas un partisan de liberté d'expression à tout prix. Je vais pas vous dire comme ça, non, parce que même si ça m'arrangerait à l'heure actuelle, et je pense pas que ce soit la position de la plupart des membres de cette émission non plus. C'est-à-dire que je vois mal, par exemple, une révolution national-socialiste demain qui accoucherait. Vous voyez, on ferait une heure de discours d'Adolf Hitler, et puis après on dirait, bon, écoutez, monsieur Bernard-Henri Lévy, bon, écoutez, on a attendu monsieur Adolf Hitler pendant une heure, donc maintenant c'est à votre tour, vous avez la parole pendant une heure. Moi, je suis pas partisan de ça, du tout. Hein. Je vous cache pas que si jamais j'étais aux responsabilités demain, Bernard-Henri Lévy n'aurait pas le droit de parole et je censurerais des trucs et je serais pas pour partisan de la liberté d'expression du tout, quoi. Je dis ça parce que j'ai déjà entendu dans certains discours de gens qui étaient un peu de notre bord, qui veulent absolument la liberté d'expression à tout prix. Faut être précis, quoi. Faut être précis parce que ça peut s'en tourner contre nous, genre de truc. Et faut pas être hypocrite, quoi. La censure qu'on subit, par exemple, sur les réseaux, on la subit aussi parce que ces gens les désignent, à raison, comme un risque potentiel ou réel. Voilà, c'est très vrai. Et dans des circonstances équivalentes, je vous le dis, hein, en toute honnêteté, hein, je censurerais pas mal de gens si jamais j'avais ce pouvoir, bien sûr, évidemment. Le truc, c'est que c'est très différent parce que quand on parle de censure, on parle de. Les gens ont dans la tête la censure politique. J'ai un opposant politique, je veux m'en débarrasser. Le problème avec ce que tu dis. Enfin, c'est pas le problème de ce que tu dis, mais c'est que nous, ce qu'on ne tolérerait pas n'est pas politique au sens strict. C'est tout ce qui peut nuire à des fondements anthropologiques élémentaires. C'est complètement différent. C'est-à-dire que, par exemple, donc le système actuel, veut censurer tous les partisans de ce que je pourrais appeler le bon sens anthropologique. Vous croyez qu'un homme et une femme, ça existe, et que comment dirais-je, il n'y a pas de... que la théorie du genre est le fruit de cerveaux malades, vous êtes censuré. On vous censure, on vous fait taire. Le lobby LGBT va vous faire taire. Nous, ce qu'on ferait, c'est qu'on censurait des ennemis de la famille. Mais pas parce que on a un problème avec leur faciès, c'est parce qu'ils portent atteinte objectivement au bien-être des enfants et de la société, parce que la famille est le maillage élémentaire de la société. Donc c'est une défense de bon sens du socle anthropologique du peuple ou du pays. D'accord ? Donc on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité les deux points de vue. Effectivement, on ne peut pas dire « Ah bah oui, on peut être pour la famille d'un côté, et puis on peut être pro-LGBT de l'autre, pro-théorie du genre, pro-transsexuel ou ce que vous voulez. » Ben non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que d'un côté, on a une réalité anthropologique héritée de millions d'années, de centaines de milliers d'années dans le cas de l'homme. Enfin, je veux dire, quand on parle de la différence des sexes, excusez-moi, on trouve ça dans rien animal. Bon, voilà. C'est pas parce que depuis 20 ans ou 30 ans, il y a des gens, ou un peu plus, prétendent innover, refaire la création, que c'est une réalité. Donc c'est ça qui est complètement différent. De la même manière, promouvoir l'immigration clandestine, c'est-à-dire l'invasion du pays, ça relève pas, pour moi, d'une opinion. C'est pas une opinion, c'est une atteinte à la sécurité nationale. C'est complètement différent. Par contre, il y a des choses sur lesquelles, moi, je ne vois pas de raison d'intervenir. Par exemple, je sais pas, moi, la croyance en Dieu. Bon, est-ce qu'on va créer une police pour essayer de gendarmer les discussions entre athées, etc. Non, ça, pour moi, si vous voulez, c'est autre chose. Je veux dire, alors, certains pourront peut-être le souhaiter, mais disons, moi, je pense que là où un État responsable doit intervenir, c'est dans la protection du bien commun. Objectif et indiscutable. La sécurité nationale, la protection des frontières, le bien-être des familles et leur capacité, comment dirais-je, à prospérer. Voilà, pour moi, ça, c'est des choses indiscutables, mais qui étaient indiscutées jusqu'à très récemment. C'est la folie actuelle là, qui s'est emparée du monde occidental, très franchement, depuis 20 ans. Mais enfin, Vincent dira que c'est une évolution logique et très prévisible qu'on pouvait tracer il y a plus d'un siècle. Enfin, là, on est dans la phase exacerbée qui fait qu'on a l'impression d'être un révolutionnaire quand on dit qu'un homme et une femme, c'est un homme et une femme, et ça ne sera jamais qu'un homme et une femme, alors que ça a jamais fait de débat jusqu'à une date pas si lointaine. Vous voyez ? Donc c'est en ce sens-là que là, je crois un interventionnisme nécessaire pour faire l'éducation du peuple, et pour protéger le peuple, oui. Mais ce n'est pas une censure, je ne sais pas, moi... Sur des points de détail, d'orientation philosophique secondaire. Je veux dire, là, moi, je parle vraiment de la protection vitale du peuple. Vous voyez ? Moi, je faisais référence à ça aussi, hein, sur des points majeurs, oui. Effectivement, des points non négociables comme ça, bien sûr. Si les gens veulent discuter, est-ce qu'il faut être, je sais pas moi, protestant, orthodoxe, catholique, s'il faut mettre plus d'éoliennes ou plus de machin. Oui, c'est ça. Ça doit avoir un débat libre dessus, quoi. Mais faut être honnête aussi, hein, faut être précis, en fait. Pas être honnête, faut être précis. Pas dire liberté d'expression totale, sans condition. Attention. Non, mais de toute façon, je veux dire... Personne n'accepterait, je veux dire, qu'on appelle à... Enfin, que la pédophilie soit normalisée dans les discours, par exemple, je veux dire. C'est un exemple. Mais voilà, mais je pense qu'on sait... Enfin, moi, c'est le point de vue que je défends, c'est celui qui défend aussi. Mais je veux dire, tout ce qui peut mettre en danger l'existence du peuple en tant que vraiment réalité biologique, là, pour moi, il faut intervenir tout de suite et il faut stopper l'incendie avant qu'il se propage, vous voyez. Et développer d'une manière générale toutes les énergies positives dans le peuple et contenir les énergies négatives, voyez. Donc il y a toute une série de choses que je ne tolérerai pas et que j'assumerai totalement de ne pas tolérer. Donc c'est ça que je veux dire. Mais c'est la censure que nous avons à faire est une censure de gens qui se revendiquent des lumières des droits de l'homme et de la liberté d'expression totale. Donc c'est une contradiction énorme de leur part, alors que nous on se sent très libre et très à l'aise avec tout ça. Mais leur censure, elle est sous-tendue par une pulsion de mort. C'est-à-dire que leur censure vise à empêcher toutes les forces vitales de s'exprimer pour que les forces de mort puissent s'exprimer et prendre le pas. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là veulent nous mener à la tombe, à la fosse commune. C'est vers là qu'ils veulent nous mener. Toutes les forces de dissolution ont carte blanche pour promouvoir tout ce qu'il y a de plus destructeur. D'accord ? Et toutes les forces vitales sont réprimées. C'est très simple à comprendre. Donc, par exemple, dès qu'on parle de, bah, d'avortement, c'est là on parle véritablement au sens strict de la vie. Vous voyez, bah, on réprime l'instinct vital et on exalte l'envie de tuer les enfants dans le sein de leur mère. Vous voyez, et il justifie. Hein, vous avez qu'à regarder là. Je crois qu'il y a, des demandes, enfin, très régulièrement au Parlement français, il y a des demandes pour durcir encore plus, non pas seulement l'incitation à pas se faire avorter, mais carrément criminaliser les gens, parce que j'ai vu ça. Hein, je crois même que c'est passé. Il y avait des gens qui avaient des sites internet pour conseiller les femmes qui se posaient des questions sur l'avortement ou pas et qui hésitaient, et qui, pour essayer de les décourager de se faire avorter, vous voyez, donc de leur apporter un contre-discours sur la question de l'avortement pour les convaincre d'avoir des enfants. Et ça a été, me semble-t-il, en tout cas visé par un projet de loi, et je crois que le projet de loi a été accepté. Donc c'est ça que je veux dire quand je parle de pulsion de mort armée du bras de la censure, c'est exactement ça, vous voyez. Donc, moi, je pense qu'ici, on est tous d'accord, on veut vivre, et comme on veut vivre, on entend bien laisser notre instinct de survie s'exprimer, vous voyez. Et c'est pas parce que quelqu'un veut nous voir mort qu'on va le laisser tranquillement essayer de nous mener à l'abattoir, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est pour ça que quand on parle de censure, ce que nous, on ferait en termes d'intervention, de régulation de ce qui pourrait être dit, n'aura rien à voir fondamentalement avec ce que font aujourd'hui ceux qui contrôlent le système, qui d'ailleurs, eux, et tu as raison de le dire, revendiquent la liberté d'expression. C'est-à-dire que c'est eux qui... Enfin, je crois qu'ils tiennent le même discours vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'ils disent la démocratie, c'est la pulsion de vie, le fascisme, c'est la pulsion de mort. Donc, moi j'ai vu ça face à moi, hein, tous les avocats qui que des comptes contre moi hein, depuis 1990, donc ça commence à faire, hein, c'est toujours ça. C'est en fait, Renoir véhicule une idéologie de mort, donc il n'est pas question de le laisser s'exprimer, il faudrait que... Donc je pense que fondamentalement, nos adversaires développent contre nous, peut-être illégitimement, mais le même discours que toi Gandalf, que tu développes pour nous. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je m'arrête là, puis je dis, bon, nous, on ferait une censure contre ce qu'on appelle les idéologies de mort. Vous, vous faites à l'heure actuelle une censure contre ce que vous appelez, ce que vous voyez des idéologies de mort. Très bien, donc nous sommes à égalité, vous n'avez pas de leçon à me donner. Et c'est toujours ce que je dis moi, à mes adversaires, en termes de liberté d'expression, vous n'avez pas de leçon à me donner. Parce que vous êtes pareil. Vous êtes pareil, seulement vous êtes hypocrite. Voilà, parce que moi, je ne suis pas. Et deuxièmement, je ne revendique jamais, moi, la liberté d'expression, ce qui pour moi ne signifie rien. Je revendique le devoir de dire la vérité, ce que j'estime être la vérité, et d'aller au combat contre ceux qui me disent que c'est pas la vérité. Et c'est ma façon de dire, voilà, la liberté d'expression, c'est un faux problème, en fait. Il y a un devoir de défendre la vérité et de défendre la vie. C'est ça qui me paraît être une position qui, moi, m'est assez confortable. Alors messieurs, oui, je vais juste conclure en disant, tout à fait d'accord avec Vincent, la différence c'est qu'eux défendent la mort, le lait, et le faux. Donc tout est vrai puisque tout est faux, enfin on peut travestir, il n'y a pas de problème, alors que nous défendons la vérité, le beau et la vie. Exactement, bravo. We'll be right back. numéro 3, il t'est adressé, Vincent. Chers amis, puisque ce cher Vincent devient un habitué de l'émission, et quelle recrue ! Celui-ci pourrait-il nous faire part de son analyse de l'usurpation de la sainte svastika et des prétentions au nazisme, ou au national-socialisme, des judéo-nazis, entre guillemets, qui sévissent actuellement en Ukraine ? Qu'est-ce que le bandérisme, comment s'est-il formé à l'époque de la Seconde Guerre mondiale? Voilà, il pose ce genre de questions. En quoi se différencie-t-il du national-socialisme allemand? De quelle manière ce dernier est-il dévoyé? Donc le national-socialisme galvaudé, insulté par ses pauvres airs, manipulés par les juifs encore une fois, et naïvement attiré dans un traquenard qui leur coûte tout pour des ordures qui, eux, savent très bien ce qu'ils font. Donc voilà, grosso modo, la question qui nous est posée par « Qu'il brûle ton enfer ?» C'est un jeu de mots. Et cette question tombe à pic, puisque nous avons vu, nous avons vu un appel lancé depuis l'usine, enfin, c'est pas une usine, hein, c'est un site industriel à Mariupol, Azovstal, que vous connaissez forcément, il est très médiatisé en ce moment, dernière petite enclave dans la ville de Mariupol conquise par les Russes, où se trouve le fameux, enfin entre autres, le fameux régiment Azov, en tout cas des éléments du régiment Azov, longtemps présenté comme l'avant-garde néo-nazie par excellence, etc. Et là, on a vu donc un appel lancé par plusieurs soldats d'origine juive de cette unité, faisant appel directement au gouvernement israélien et à Naftali Bennett pour venir les sauver. Alors, Vincent, la question de notre auditeur t'est posée. Qu'est-ce que tu penses de cette invocation par les uns ou les autres du national-socialisme? Alors certains pour accuser l'Ukraine d'être un État national-socialiste ou pro-national-socialiste. Et donc ça c'est pour ses adversaires, notamment la Russie. Ou alors des gens qui, au contraire, essayent de, je sais pas, qui croient que l'Ukraine est effectivement, en tout cas certains éléments en Ukraine ont comme projet de créer un État national socialiste. Enfin, par rapport à tout ça, quel est ton point de vue? Mon point de vue, il est le suivant, c'est que je pense que tous ces gens qui se revendiquent du national socialisme, il y en a un peu partout dans le monde, hein. Ils se revendiquent sur des choses complètement différentes, pour la bonne et simple raison que le national-socialisme, il y a deux problèmes dans le national-socialisme. C'est que d'abord, on l'assimile souvent à l'hitlérisme, qui n'était en fait qu'une forme du national-socialisme. Et que deuxièmement, comme tu as dit très bien, c'est que le national-socialisme n'est pas vraiment une idéologie. C'est une vision du monde. Et il est évident qu'à partir du moment où c'est une vision du monde, il n'y a pas de contours qui sont toujours très bien définis par rapport à une vision du monde, hein. Et donc, il y a des gens qui croient voir des choses dans cette vision du monde qui les mettent au rang de choses essentielles alors qu'elles ont été accidentelles. Prenons un exemple. Le national-socialisme, cette idéologie, en fait, quel est le cœur de cette idéologie? C'est de promouvoir la primauté du bien commun sur les intérêts particuliers. C'est ça le national-socialisme au départ. Alors naturellement, après, il en découle des tas de principes, si vous voulez. Mais cette revendication. Le bien commun dépasse les biens particuliers. C'est-à-dire, et en ce sens que c'est lorsque les citoyens privilégie le bien commun en sacrifiant leur bien particulier, que par retour, parce que la société ira bien, elle satisfera leur bien particulier. C'est ça, en fait, la grande philosophie du national-socialisme, qui d'ailleurs est une philosophie qui s'approche, par certains côtés, du thomisme. Hein, c'est ça. C'est qu'en gros, c'est quand la société marchera bien, il va en résulter pour chaque citoyen un confort de vie qui fera que ça ira bien. Sous-entendu, si au départ, vous sacrifiez vos biens particuliers pour le bien commun, En retour, vos biens particuliers seront quand même comblés. Mais il faut faire une première démarche qui est extrêmement délicate, qui consiste à dire je sacrifie mes biens particuliers au départ pour le bien commun. Donc pour moi, c'est ça le national-socialisme à la base. Il s'est trouvé que, par exemple, que le national-socialisme est né, enfin, s'est incarné en Allemagne après la Première Guerre mondiale et qu'il avait énormément de revendications territoriales qui étaient légitimes. Parce qu'il y avait eu toutes les injustices du traité de Versailles, du traité de Trianon, etc., etc. Donc le national-socialisme allemand, l'hitlérisme, a voulu, a mis l'accent sur des revendications nationales, une sorte d'expansionnisme national, qui était présent d'ailleurs dans le national-socialisme, c'était évident. Et notamment Hitler pensait que, il écrit ça dans les dernières pages de Mein Kampf, dans la dernière cinquantaine de pages, que le régime qu'il appelait régime juif communiste en Russie allait s'effondrer, et qu'à ce moment-là, ce serait le devoir de l'Allemagne de mettre de l'ordre dans les territoires russes, soviétiques à l'époque, mais russes. Alors, ce qui fait que certaines personnes pensent qu'un élément essentiel du national-socialisme, c'est l'expansionnisme territorial. Mais pas du tout. Ça, c'est un élément uniquement contingent dû aux circonstances dans lesquelles le national-socialisme s'est incarné en Allemagne. Et je pourrais citer beaucoup d'autres éléments contingents. Et par exemple, l'euthanasie des handicapés mentaux, ça a été un élément contingent qui est arrivé en 1940 pour plusieurs raisons. Il y avait d'abord une raison philosophique. Adolf Hitler pensait que ses vies étaient indignes d'être vécues, mais surtout à l'époque, il y avait les raisons que c'était la guerre, qu'on prévoyait que la guerre allait être longue et que il fallait peut-être concentrer les intérêts médicaux sur le front et sur ce qui résulterait de la guerre, et non pas perdre du temps et des moyens pour des gens qui de toute façon étaient absolument inconscients, enfin, avaient des tares physiques et intellectuelles énormes. Donc, mais encore une fois, on peut être national-socialiste et absolument être contre l'euthanasie des malades mentaux. Ça ne change rien au problème. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que du fait qu'il n'a pas de contour précisément défini, et du fait qu'on a tendance à assimiler le socialisme à l'hitlérisme, eh bien vous avez des gens qui de par le monde se revendiquent du national-socialisme, mais peuvent avoir des visions très très différentes. Voilà. Alors c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, je pense, en Ukraine. En Ukraine, alors à ce qu'on présente, moi après je n'ai pas questionné des Ukrainiens personnellement, des Ukrainiens national-socialistes, donc je m'en réfère à ce que j'entends, ce que je lis ici et là. Visiblement, ce sont des gens qui ont une vision du national-socialiste qui est la leur, et moi qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la mienne du tout. Ils ont une vision très raciste, matérialiste, etc. Ça semble être, encore une fois, peut-être que c'est pas le cas, mais je dirais que dans ce cas, si c'est vrai, si ça se révèle, ce n'est pas ma vision du national-socialisme. Et je pense qu'ils se trompent sur le caractère essentiel du national-socialisme. Mais il est évident que je suis un peu gêné pour répondre à cette question. Parce que quand on me parle du bataillon Azov ou de ce qui se passe en Ukraine, eh bien, je n'ai d'informations que par le filtre de la presse et je n'ai pas moi-même étudié le dossier, notamment en allant sur place, ce qui serait très difficile pour de multiples raisons à l'heure actuelle. Donc, je ne me pense pas, hélas, je ne me pense pas compétent pour juger de ce que revendiquent les national-socialistes, enfin ceux qui se revendiquent du national-socialisme en Ukraine. Alors maintenant, ce qui est assez drôle et ce qui révèle d'ailleurs assez l'ambiance actuelle, c'est que voilà, dans ces conflits maintenant, tout le monde se traite, tout le monde est le nazi de l'autre. Voilà, ça vous êtes forcément le nazi de quelqu'un. Voilà, oui. Ouais. Je vous en prie, tu peux continuer. Ah non, moi j'ai rien à dire. Je voulais simplement je manifestais mon accord avec ce que tu dis. C'est clairement là, on est dans une phase où tout le monde est le nazi de quelqu'un. Exactement. Vous êtes toujours le nazi de quelqu'un, puisque, encore une fois, comme c'est quelque chose au contour mal défini, je vous rappelle que, par exemple, notamment chez les catholiques traditionnalistes, dès qu'on parle de l'euthanasie, on parle de l'État nazi. Parce que pour un catholique traditionnaliste, un national-socialiste, c'est forcément quelqu'un qui veut exterminer tous les malades. Amusant, c'est pas le cas. Et donc, ce qui est assez amusant, voilà, c'est ça, c'est que on est arrivé, le national-socialisme est devenu un tel symbole du mal incarné que, voilà, aujourd'hui tout le monde se traite de nazi. Et ça, moi, j'avoue que je préfère regarder ça en rigolant, mais ça démontre bien à quel point, dans le national-socialisme, comme c'est une vision du monde assez ouverte, se rencontrent des gens très très différents. Et en Allemagne, on l'a vu que dans le parti national-socialiste, il y avait vraiment mais de tout, et ça a été le génie d'un Adolf Hitler de pouvoir fédérer ces gens que au départ plein de choses n'auraient jamais tout aurait séparé. D'ailleurs, vous avez des gens qui étaient plutôt libéraux, je parle de façon économique, vous avez des gens qui étaient très très dirigistes, etc. Et je me rappelle, j'ai un interrogatoire de von Ribbentrop, qui était donc le ministre des Affaires étrangères d'Adolf Hitler, le dernier ministre. Hein. Et l'interrogateur américain lui dit, bon, c'est quoi la vision du monde national-socialiste? Et Ribbentrop dit, je sais pas, vision du monde national-socialiste, moi je sais pas. Et l'interrogateur américain lui répond, enfin écoutez, ça fait là à peu près le 10e dirigeant que j'interroge et personne n'est capable de me dire quelle est la vision du monde national-socialiste. Et Ribbentrop répond, vous savez, il y avait de tout dans le parti, dans la NSDAP en Allemagne, il y avait même des gens qui refusaient, il donne cet exemple-là, c'est vrai que je le prends, hein, qui refusaient que les femmes portent du vernis à ongles, et puis il y a des gens qui étaient absolument pour la femme, très belle, etc. Il dit, il y avait de tout parce que eh bien, il n'y a jamais eu des contours bien définis dans cette idéologie. Et là, il avait absolument raison. Hein, je vous rappelle que les 10 points, que les points du parti, du programme du Parti national-socialiste étaient interdits de reproduire, je crois, très très peu après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, parce qu'il savait très bien que ça générerait des querelles idéologiques. Et il disait, écoutez, pour l'instant, il faut relever le pays. Bon, il n'y a pas de querelle idéologique à avoir. C'est ça. Et notamment lorsque, pareil, à Nuremberg, on a interrogé Streicher et qu'on lui a dit, mais alors, dès le départ, comment les nationaux-socialistes voulaient résoudre la question juive? Et la réponse de Streicher est très intéressante. Parce qu'il dit, mais au départ, on ne parlait absolument pas du tout de résoudre la question juive. Il faut voir le désordre qu'il y avait en Allemagne. Au départ, on voulait donner du pain aux gens. Et il ajoute, il dit, vous savez, dans le Parti national-socialiste, il y avait des gens qui voyaient la question juive comme une question raciale, il y avait des gens qui la voyaient comme une question religieuse, il y avait des gens qui la voyaient comme une question racialo-religieuse, il y avait une telle disparité dans les pensées vis-à-vis de la question juive qu'au départ, on n'en parlait absolument pas. Et ça, c'est le témoignage de Streicher, qui est vu comme l'antisémite numéro un en Allemagne. Alors, le problème, justement, qui arrive souvent, c'est que on voit toujours l'ennemi comme un bloc. Et comme aujourd'hui, le national-socialisme incarne le mal par excellence, on a toujours tendance à le voir comme un bloc. Donc, dès que des gens se revendiquent du national-socialisme, on dit, ah, voilà, c'est ça le national-socialisme. Mais pas du tout. Ils se revendiquent de leur vision du national-socialisme, mais qui n'est pas du tout la vision que peuvent avoir d'autres nationaux-socialistes. Et j'en terminerai là. C'était l'année dernière, peu avant ma tentative d'arrestation, j'ai été interrogé par deux journalistes français qui m'ont rencontré dans un hôtel. D'ailleurs, mon collaborateur me disait « Non, c'est un piège, tu vas te faire kidnapper, n'y va pas. » Bon, j'y suis allé, je ne me suis pas fait kidnapper. C'était soi-disant pour une émission qui passerait au début de l'année 2022, pour une chaîne de télévision genre M6, quelque chose comme ça. Peu importe, ils ont fait à peu près une heure et demie d'interview dans un hôtel. J'ai pas été arrêté, j'ai pu partir. Bon, très bien. Et à un moment, la dame, il y avait un monsieur et une dame, une journaliste et un journaliste. Et bon, la dame, à mon avis, elle était d'origine israélite. Bon, elle était d'une haine contre moi. Elle avait du mal à que ça transpire pas. et elle me remettait toujours sur la question de l'antisémitisme. Et moi, je disais, vous savez, je suis un nationaliste assez particulier, c'est que sur la question de l'antisémitisme, j'ai pas la vision de beaucoup de nationaux-socialistes sur la question, et je vais expliquer pourquoi, sachant que j'admets tout à fait qu'on puisse être antisémite à la Streicher, hein, c'est pas ça le problème. Mais moi, c'est pas mon cas, peu importe. Et elle m'a dit à un moment, ah, vous prétendez connaître mieux le national-socialiste que les nationaux-socialistes eux-mêmes. Et c'est là que je lui ai dit, madame, vous vous trompez. Vous confondez hitlérisme et national-socialisme. L'hitlérisme est une incarnation du national-socialisme à un instant donné, à une époque donnée et dans un pays donné. Mais le national-socialisme est beaucoup plus large que cela, et parce qu'il est beaucoup plus large, il a des contours beaucoup moins définis. C'est-à-dire, c'est une idéologie qui est atemporelle et qui, lorsqu'elle s'incarne à un moment, prend des contours. Et voilà pourquoi je dirais que, a priori, et pour essayer de répondre quand même un peu à cette question de cet auditeur qui a apporté sa confiance pour me poser cette question, je dirais que si on m'interrogeait en me disant « Est-ce que vous pensez que les Ukrainiens qui se revendiquent du national-socialisme sont des nationaux-socialistes ?» Je répondrais « Ils ont leur vision du national-socialisme qui peut être, par certains côtés, est conforme à une certaine vision qu'on peut en avoir. » Mais après, moi, je n'en sais pas plus et je suis navré de ne pas pouvoir davantage répondre à cette question. Parce que voilà, je ne connais pas assez, je n'ai pas interrogé ces gens. Et tant que je n'ai pas, moi, été voir le dossier moi-même, je n'ai pas été voir les papiers moi-même, j'évite de porter des jugements sur des gens. Voilà. Donc merci pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Vincent, à la semaine prochaine. Eh bien, à la semaine prochaine, avec grand plaisir. Encore si mes commentaires peuvent être utiles et appréciés, je reviendrai avec plaisir. Et merci à DP qui m'invite. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.